Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, bonjour, oh. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, comment vas-tu? Ça va très bien. T'as changé de place par rapport à d'habitude, est-ce que, bah ouais, est-ce que t'es ok? Après, il y a trois places. Il y a trois places, mais. Et il faut savoir quand même que j'ai fait les trois. C'est-à-dire que j'ai posé mes affaires là, Bérangère s'est assise, j'ai fait ok, je me mets en face. Et après, t'as bougé mon mug et du coup, je suis allé. Donc, je mais me sens pas très respecté, mais ça va. Faut être dans l'empathie, faut sentir. Non, moi, je m'adapte. Sentir les invités, faut être un peu à l'écoute. Faut penser. Jarod, le caméléon. Penser à autre chose qu'à soi-même et son petit confort personnel. C'est ça. Mais pas s'oublier non plus. J'ai tendance à faire. Donc, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités. Notre première invitée est humoriste et comédienne. On l'a vu au cinéma dans Adopte un veuf, la série Bref ou encore Les Folies Fermières dernièrement. Son dernier spectacle nommé au Molière vient d'arriver sur Prime Vidéo. Elle rôde en ce moment le prochain. Elle est sûrement la Bérangère la plus célèbre de France. C'est Bérangère Cri. Bonjour. Ah, du coup, on cherche tous des Bérangères célèbres. Là, j'ai googlisé. Il y en a aucune. Il y en a deux, mais que moi je connaissais pas. Bah, tu vois, j'ai déjà oublié les blagues. Il y a pas Bérangère Macnish. Non. Bérangère. Qui est comédienne que je connais. Ouais. Bérangère Devilliers. Je ne sais pas si c'est de la famille. Bérangère. Mais je l'ai vue au Puy du Fou. Voilà, c'est ça. Donc. Elle est fauconnière là-bas. Elle maltraitait. Il y a Bérangère Dautin, actrice française. Bérangère Bonte, journaliste. Voilà. Donc, c'est des gens qui ne sont pas, qui ne font pas partie de ma culture. Pas encore. Non, pas encore. Et Bérangère le Roi, dis donc, dis-toi. Parce que nous, je sors un film qui s'appelle Noé le Roi. Tout est fait pour relier à mon film. Attends, hein, Bérangère le Roi, c'est quoi? Je sais pas, il y a écrit Bérangère le Roi. C'est pas un truc de, des fringues. C'est pas écrit, je voulais juste faire la promo de mon film. Il sort quand ce film? Le 10 avril, dis-toi. J'en ai entendu que du bien. Ouais, ah, c'est gentil. Aussi. Après, il y a que toi qui m'en as parlé. Notre second invité, c'est sa première fois dans l'émission. Depuis une quinzaine d'années, il remplit les salles un peu à la manière de Beyoncé. La dernière de son spectacle, c'est le 10 mars et ce sera retransmis dans des cinémas à travers toute la France, une date qu'il jouera à Bercy. Un peu à la manière de Beyoncé. Il va aussi lancer une grande tournée avec Baptiste Le Caplain et Arnaud de sa mère. Et à eux trois, j'ai envie de dire que c'est les Destiny Child de l'humour. Vu que c'est Beyoncé, c'est Jérémy Ferrari. Bravo. Merci Jérémy d'être là. Mais merci, avec plaisir. Ça fait très plaisir de te recevoir. Moi, c'est parce que tu commences le cinéma, hein, sinon je serais pas venu. j'ai senti. Son honnêteté, c'est soi qu'on aime chez Jérémy. C'est que là-dedans, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, comme à la cuillère, on va faire le jeu du Floodcast. Jérémy, ce que je te disais en antenne, c'est plus ou moins les grosses têtes, donc tu connais. Mais t'as fait un peu les grosses têtes, Bérangère aussi? Ouais, très peu. Très peu? Ouais, parce que. Tu t'es pas senti. Le micro, il est trop haut pour toi. Ouais, tu peux l'incliner. Tu peux l'incliner. C'était un peu le problème de grosse tête, c'est qu'elle a jamais incliné le micro, on l'entendait pas. Alors que Chantal là-dessous, elle l'incline nickel. Donc. Attends. Mais là, c'est. Là, t'es bien là, non? Là, t'es bien. Là, t'es super. Là, t'es super. Non, pardon. C'était bien là, non? Mes copines. Oui, j'ai fait un peu les grosses têtes, mais c'est vrai que c'est pas un exercice que j'ai bien réussi, en toute honnêteté. J'adorais en fait y aller, mais moi j'ai vraiment besoin de bien connaître les gens, ouais, avant de les vanner. Et donc du coup c'est trop long en fait de rencontrer. Non mais c'est marrant parce que juste avant d'arriver j'étais aux grosses têtes et j'ai fait un petit débrief d'émission. Là il y a un petit podcast rapide avec le débrief d'émission et on en parlait de ça justement, de la difficulté des grosses têtes. Moi Laurent il m'a laissé m'installer, mais pendant très longtemps j'ai fait des émissions où je faisais tu vois, j'avais mes 8-9 bonnes vannes, tu vois, mais j'étais assez absent entre ces vannes. Et en fait il faut vraiment avoir un déclic. Et moi, c'était il y a 2 ans, je me suis dit, non, mais en fait, je m'en fous, en fait. Je vais sortir tout ce qui me passe par la tête, et puis voilà. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut se détendre, et c'est vrai que, du coup, en fait, selon ton niveau de détente, bah, t'es plus ou moins bon. Et selon ce qui sort, bah, du coup, des gens très très drôles ne sont pas forcément bons aux grosses têtes, ou auraient pu l'être, mais ils n'ont pas chopé le train en route, tu vois. Donc, c'est pas un exercice qui est simple. Moi, j'ai souvenir d'être assise à côté de Pierre Bénichoux. Ah oui, voilà. Et en fait, tu sais, moi j'ai un peu le respect de l'ancien et tout. Et puis là, tu vois, tu te dis, si tu t'envoies une vanne à Benichoute, c'est parce qu'il va te répondre. Donc du coup, il faut avoir les épaules. En tout cas, il va te répondre. Donc, j'étais, voilà, mais j'étais à côté comme ça. Et je sais pas, c'était un peu mon papy, tu vois. Je me disais, je peux pas le vanner non plus. Maintenant, tu peux le faire, il te répondra plus. Hein. C'est vrai que là, je pourrais. Mais t'as gagné. Ouais, au final, pour moi, t'as gagné. Mais c'est un exercice. Mais je trouvais ça, enfin, tu vois, t'as des fulgurances et tout, des trucs qui partent. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens. En fait, il y a beaucoup de gens, six personnes, il faut trouver sa personnalité, il y en a qui sont là depuis longtemps, il faut trouver sa place, et puis aussi au fur et à mesure que tu t'imposes, quand tu parles, les gens te laissent un peu plus d'espace. Ouais. Parce qu'il y a aussi des moments, ça reste une table avec cette personne. Donc des fois, tu parles et les gens continuent de parler sur toi. Alors que quand tu commences à t'imposer, en fait, plus tu t'imposes, plus tu t'imposes. Parce que du coup, les gens te font plus confiance, donc vont. Ah, attends, il parle, on va le laisser parler, parce que souvent, ça va être une vanne, ou tu vois. Et il faut trouver aussi, voilà, sa place. Moi, je sais que longtemps, j'essaie de trouver les bonnes réponses jusqu'à ce que je me rende compte que je les trouverai jamais. Et après, je dis non, en fait, je suis pas là pour ça, je suis là pour faire des vannes. Faut pas être un bon élève, en fait. Enlever ça. Mais surtout qu'il y a des intellectuels qui sont là pour ça. Ouais. Donc, Et que quand ils font des blagues, c'est catastrophique. Bah, c'est toute l'émission d'aujourd'hui où j'ai fait que vanner Christophe Barbier qui sort des vannes dégueulasses. Toute l'émission, je lui dis, mais arrête, sors juste des bonnes réponses, dis Rabelais de temps en temps, et voilà, je laisse faire les vannes. Alors, ici, par contre, on veut les bonnes réponses. C'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est le podcast, c'est quand même autre chose. Cette année, alors peut-être vous allez avoir la réponse, environ 40 000 Français vont enfin pouvoir le faire. Et parmi ces 40 000 Français, il y a Raled, Géraldine Maillet et Gérard Darmon. À votre avis, c'est quoi? Ça a rien à voir avec le sexe vu l'âge des gens. Attention, il y a du coquin. Attends, ils vont pouvoir le faire. Ouais, ils vont pouvoir le faire. Raled, ils peuvent pas le faire souvent. Gérard Darmon et Géraldine Maillet. Ils vont pouvoir le faire ensemble? Non, ils peuvent, mais c'est pas prévu. C'est puni par la loi? Non, c'est pas. Oh non. Se marier. C'est encouragé? Pas encouragé. Pas se marier. Ils vont pas changer de prénom. Ils vont être parents? Ils vont pas être parents. Non. Qui est Géraldine? C'est une chroniqueuse. Touche pas à mon poste. D'accord. Ils vont pouvoir se faire opérer de quelque chose? Non. Un truc administratif? Alors d'une certaine manière, mais j'ai peur que ça te mette sur une fausse piste. D'une certaine manière. Ah, ça veut dire, c'est un rapport avec le voyage? Pas le voyage. 40 000 personnes. C'est 40 000 personnes, c'est que en France? C'est que en France. Ah. Mais ça touche des gens partout dans le monde. Mais là, en l'occurrence, je vous donne les chiffres. C'est un truc en de France. Double nationalité, oui, donc, ou pas? Pas double nationalité. Donc il y a la santé. Pas la nationalité française. Il y a d'autres personnes dans le monde qui vont pouvoir le faire également. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qui peuvent pas le faire régulièrement. Et pourquoi ils pouvaient pas le faire avant? Bah là, si je te le dis, malheureusement, je te donne la réponse. Mais c'est bien joué. Elle a essayé de me piéger. Est-ce que ça a rapport avec une loi qui est passée? Non, pas du tout. Non, c'est depuis des siècles et des siècles. Ah ouais. Donc c'est quelque chose. Oui, mais s'ils peuvent le faire maintenant, ils pouvaient pas le faire avant. Si, ils l'ont fait. Ils peuvent le faire cette année, pas maintenant. Ah, fêter leur anniversaire le 29 février. Très bonne réponse. Pas mal. D'accord. Pas mal. Je suis fier de moi. Il y en a que 40 000. Il y en a que 40 000. Donc Raled, Géraldine Maillet, Gérard Darmon. Ah oui, en France. Fêter leur anniversaire à la bonne date. 40 000 Français sont nés le 29 février et chaque année. Alors ils doivent le fêter le 1er mars. Je savais pas. C'est comme ça que tu fais. Ils doivent. Non, c'est la date choisie par l'administration pour valider leur âge. Oui, non, puis j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les gens nés le 29 février. J'en ai jamais croisé. Attends, l'administration, après, je m'intéresse peu à la date de naissance des gens. Elle décide de la date où tu fêtes ton anniversaire. Bah, je pense que c'est plutôt. Ça peut foutre. Il y a un décret et tout. Non, excusez-moi, vous l'avez fêté quel jour? Non, c'est pas la bonne date. Hein. Ouais, ça m'a arrangé au niveau de l'emploi du temps. Ouais, mais... Moi, je trouve ça très bien. C'est bien de mettre des lois, des règles. Les gens respectent un petit peu les trucs, sinon on fait tous n'importe quoi. Tu vois. Oui, non, mais après, c'est le chaos, je suis d'accord. Ouais, tu laisses faire ça, tu laisses faire quoi d'autre? Juste, moi, ça m'est arrivé de pas le fêter le jour de mon anniversaire. Si vous pouviez ne pas me dénoncer, ça. Juste savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ces gourdes? Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir des sexes calcinés. Ah oui, calcinés. Mais plein de gens posent la question. On dirait vraiment des tubs que t'as passé au barbecue. Alors ça fait très plaisir parce que tout le monde dit que c'est de la merde. C'est du charbon. Et c'est littéralement des tubs calcinés. On a enfin la bonne réponse. C'est pour absorber toute la merde de l'eau. C'est ça. Voilà. Mais t'as pas juste de l'eau propre. Hein. Mais on vit à Paname. Tu veux dire l'eau du robinet Oui. Non, mais c'est du charbon, d'accord. C'est du charbon, mais qui est là. Non, vous l'avez changé. Non, j'ai changé. C'était un charbon que t'es là depuis 5 ans, donc j'en ai plus grand chose. Je pense qu'il recrachait. Pour vous donner un petit peu le niveau de dégueulasse d'où je viens, moi, c'est-à-dire que c'est ma meuf qui m'a appris qu'il fallait changer les draps des lits. Oh, wow. Quand j'étais, bon, c'est mis ensemble, là, j'avais 24 c'est un, ans. Hein. C'est un mais quand j'étais jeune vingtenaire, ouais, wow. Quand j'étais jeune vingtenaire, je savais pas qu'il fallait changer. Mais comment les ça, tu savais pas? Mais tu sentais pas, surtout moi, c'est une parce que non, mais c'est, soit, j'avais un vrai problème d'hygiène. Non, mais c'était un vrai truc de, j'avais un qui est pas totalement, qui est pas totalement résolu. C'est-à-dire que j'ai découvert le déo, mais pas encore la douche. C'est-à-dire que je suis un premier pas. Chaque chose en son temps. Mais quand t'étais, mais t'as vécu avant 24 ans. Ah oui. Genre donc tu savais quand même que non c'est tes parents qui changeaient les draps. Je pense mais... mes parents le faisaient et que moi je me disais c'est de la coquetterie quoi. Ouais, c'est ça. Oh ma mère, la relou là, c'est la spie là et tout. Non mais en vrai je pense qu'il y avait de ça. Je pense qu'il y avait un truc de. Elle est où la poussière que j'avais mis là sur les. Mais l'odeur je veux dire. Mais écoute. Parce que quand même... je pense que j'avais une haute tolérance à la saleté, tu vois. Non, ouais, en l'occurrence à la puanteur. Mais il y a des gens comme ça. Tu sais, des gens qui oublient de mettre moi, du déo. Oui, mais quand il y avait... a un moment, le drap, je sens qu'il se solidifie. C'est un peu poisseux, il y a un peu un truc. Oui. Mais il y avait des gens qui venaient dormir avec toi de temps en temps. Alors c'est là, j'ai mis le doigt. Ou alors c'est la première à 24 ans. Et du coup, tu l'as gardé, quoi. Ouais, j'ai fait oh là là, c'est fou qu'elle soit restée. Alors que Florent, pas du tout. Exactement. Non. Il faut savoir que les ordinateurs à l'hôpital, à la sécurité sociale ou pour l'état civil, les logiciels de ces ordinateurs n'ont pas prévu le 29 février. Donc eux, ils te mettent le 1er mars directement. Tu n'existes pas. On a fini sur tes draps. Des virages, ouais. On fait d'accord. Des choses. Oui, je pensais qu'on avait fait le tour. Oui, c'était assez mignon comme ça. Mais c'était beau de l'avouer. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens. On est quand même des jeunes. Parce que maintenant, t'es quelqu'un. C'est vrai que je suis dans le cinoche. Je suis dans le cinoche. Mais tout le monde sait que t'es dégueulasse. Ouais. Bah non, parce que c'est sa meuf qui gère son. Non, mais qu'elle gère. Attendez, depuis. Depuis, t'es autonome. Attendez, excusez-moi, du chemin a été fait. Est-ce que vous fêtez votre anniversaire autour de la table? Vous prenez plaisir à fêter votre anniversaire et si oui, est-ce que c'est une grosse fête? Est-ce que c'est plutôt... Moi, ça dépend des années. Récemment, il y a eu l'année dernière, c'était mes 40 ans et j'arrivais pas à organiser. Ah ouais? J'arrivais pas à matérialiser le truc, à dire je fais un gros truc. Et j'ai mon meilleur pote qui me dit: tu veux qu'on t'organise une surprise? Je dis ouais. Et en fait, ils m'ont fait une surprise, mais je sentais en fait. Oui, t'as dû. Oui, parce qu'il te l'a demandé. En fait. Je pense que là, vous faites une surprise. Et après, je l'ai beaucoup fêté et je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas la réponse, mais on m'a beaucoup fait de fêtes surprises. Ah, on aime bien te célébrer. Mais genre, j'ai réalisé 12 ou 13, tu vois. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ah ouais, soit les gens t'aiment beaucoup, soit ils n'ont aucune confiance en tes capacités d'organisation. Oui, d'organisation. Ils disent, on va faire insupportable. Mais donc, tu kiffes la teuf. Je kiffe la teuf. C'est un single que je sors là, c'était. Tu kiffes la teuf. C'est vraiment une phrase qui paraît jeune et qu'il est pas qu'il du tout plus, quoi. Qu'il a été. On peut vraiment dire ça qu'à partir d'un anniversaire d'une femme de 40 ans. Parce que là, t'as quel âge là, Florent? Moi j'ai 32. Bah ouais, 32, tu commences à avoir. Tu es le vieux de quelqu'un en fait. Ah oui, attends, je l'ai été. Ah oui, quand j'ai découvert l'hygiène à peu près, ça s'est joué moi. Moi j'ai toujours été très vieux. Mais. Non mais il y a des jeunes qui émergent, tu vois. Bien sûr. Avant tu fais partie de ça. Ça aussi c'est vieux comme phrase. Non mais surtout. Il y a des jeunes qui émergent. Oui, c'est vrai. Non mais quand tu deviens le vieux de quelqu'un, ça t'a pas fait un truc toi? Moi j'ai commencé à 20 ans en plus. Non, ça va, j'ai pas. Non, je le vis pas mal, mais c'est une prise de conscience. D'un coup, tu te dis attends, plus moi qui invente des mots. Oui. Je googlise des paroles de. Je googlise quoi coubé. Je veux savoir ce que ça veut dire. Je suis pas dans l'épicentre de ce qui se passe, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'est quand même un truc. Mais tu est-ce que tu as apprécié être dans l'épicentre de ce truc? Parce que moi, vu que j'en avais pas conscience. Oui, c'est ça. Moi, je m'en foutais un peu. C'est vrai que moi, là, je m'en fous un peu parce que j'ai un truc. Non, parce que tu crois que c'est éternel. Et un jour, t'es sorti du groupe. Oui, mais ah putain, merde. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que toi, t'as été cool à une époque. Alors que je pense que nous, jamais. Donc en lui, fait, il y a pas un moment où tu dis putain, je suis plus cool. J'ai jamais été. Donc, lui, il a juste été sale et propre. Hein. Ouais. Il a juste passé de sale à propre. Moi, c'est deux modes. Tu vois, c'est ça l'intérêt. Non, mais je cause avec des potes. Et des fois, la dernière fois, un pote, il me fait t'as, c'est cool maintenant. En fait, tu vois, nos âges découvrent que, rien foutre le soir devant la télé et tout, c'est trop bien. Je fais, mais moi j'ai compris ça il y a des années. Ah ouais, depuis non, mes 12 non. ans, j'ai compris ce truc là. Ah ouais. Non, moi j'ai jamais. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Ah oui. Non, moi oui, j'ai vraiment le truc de la sagesse. Maintenant, je me dis, attends, on se fait une soirée dans un bar. Quand je vois, tu sais, la rue de la soif, tu vois tout le monde. Ouais. Et avant, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils font? Je voudrais en être. Et là, t'es là, je rentre chez moi, je vais être tellement bien. Là, je suis en tournée de rodage. Non mais attends, les gens vont penser que je suis une grand-mère, mais on est souvent dans les apparts, dans les théâtres où je vais, il y a des petits apparts. Moi j'adore, t'as une petite cuisine et tout. Et avec mon metteur en scène, on est refait, on se fait des petites courses et après le spectacle. Arrête, Bérangère, arrête. Non, mais moi, je suis avec toi à 100%, moi. J'adore. Je suis avec toi à 100%. C'est vrai. Merci, ça me fait plaisir. Adrien, t'aimes bien célébrer ton anniv? Non, mais c'est pas la même chose. Tu peux aussi juste voir des gens. Et non, mais moi soit... je le fais avec genre mon frère, mes neveux, mes nièces, ouais, voilà. Tout ça. Mais enfin, ça fait, ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas fait une fête avec mes potes pour mon anniv. Ouais. Ça m'angoisse un peu quoi. Organiser. Pas organiser, mais genre être le centre de l'attention, être le centre de l'attention, ouais. Et décider qui je vais inviter, qui je vais pas inviter, et tout. Ça me gave très très vite. Et régulièrement, je me dis, allez, tu sais quoi, cette année. Et bah, je fais mon anniv. Et vraiment, au bout de 10 minutes à me poser des questions, je fais non. Toi, Jérémy ? J'étais en train de réfléchir. Non, moi, en fait, c'est beaucoup de Non, mais parce que je suis en train de réfléchir, mais en fait, je m'aperçois que les dernières années, ça a été tellement que du travail qu'en fait, ça me casse les couilles parce que souvent, ça tombe pas un jour où j'ai le temps. Ouais. Et donc, du coup, j'ai jamais très envie de le faire parce que juste, faut organiser un truc et tout, machin. Et que souvent, ça me. Donc, j'ai jamais vraiment. J'apprécie pas particulièrement. Après, je pense que dans 2 ans, j'aurai mes 40 ans. Donc, j'y pense, je me dis, bah, peut-être pour mes 40, je ferai un truc, tu vois. Un duo impossible d'anniversaire, ouais. Que ce soit quand même le travail. Non, mais je pense que je vais pas. Tu vois, je me dis, tiens, pour mes 40 ans, peut-être je vais me payer un gros voyage, ou peut-être je vais inviter tous mes potes quelque part dans un truc, tu vois, pour marquer le coup. Mais non, je suis pas très, très anniversaire en réalité. Non, ça pas trop. C'est pas un truc qui me. C'est juste un jour. J'ai toujours vu ça, juste un jour comme un autre. J'ai jamais vraiment vu ça comme. Non, moi, quand je suis invité à un anniversaire, je trouve ça cool les gens qui ont tous leurs potes à un endroit, à un moment précis. Mais c'est vrai que, entre le podcast, le travail et tout, moi, j'ai l'impression de voir tout le temps mes potes ou des gens que j'aime bien. Donc, du coup, j'ai pas ce besoin de faire une soirée avec eux. Tu vois, j'ai l'impression que quand j'écris une journée avec des gens, bah c'est comme. Enfin, tu vois, ça remplace très très bien. Ouais. Un anniversaire. Mais t'as pas le ménage à faire. Tes 30 ans, c'était bien quand même. Mais c'était une surprise. Ah oui, c'était une surprise. Par contre, les 30 ans, je les ai bien fêtés. Là, j'avais loué un gros chalet à la montagne et tout. J'avais fait un très gros truc. Ouais, je pense que c'est peut-être les dizaines que je. Ouais, les gros. Je me dis, tiens, allez, 40. Pas chaque année. Moi, j'ai 2 ans, mais tu vois, je me dis, pour 40, je pense que je vais faire un gros truc. 30 ans, j'avais fait un truc. Mais les entre, je suis pas trop. Oui, on s'en fout un peu. Faut un peu. Ouais. Mais quand vous étiez petit, vous fêtiez vos anniversaires ? Grave. Ah, difficile dégoûté ? Ouais. Mais toi, t'étais populaire, toi. C'était cool. Mais moi, du surf, moi, est-ce que vous avez une image de moi genre j'étais pas sympa avec les gens et tout? Non, pas non, je pense que t'étais très vite dans ces un truc qu'on a jamais dit, toi un truc à régler avec d'autres gens. Non, c'est l'inverse, toi t'as lu des critiques sur Biréduc, toi. Mais non, toi t'as dit lui il pue, lui il est réservé, il devait détester les meufs cool. Non, mais tu sais, il y a des fois t'as l'image de dans les films américains, t'as la populaire pas sympa. Moi je pense que c'était sympa, mais populaire quand même. Ouais, surf, non, théâtre, il y avait des trucs quand même, tu vois. Il y a des trucs. Je surfais pas quand j'étais petite. Moi j'ai jamais réfléchi à ton enfance. Ouais, c'est vrai, honnêtement. Voilà, chacune des vôtres. Vraiment, je me suis fait des images. Non, mais si, on imagine un peu les élèves qu'on était. Bon, t'as envie qu'on des images. T'as envie qu'on déteste. Non, c'est une vraie question. Parce que toi, tu t'es mis au théâtre très jeune. Oui, j'avais 9 ans. Bah, c'est quand même. Oui, c'est jeune. Quand qu'est-ce même. Que c'est énervant, ça, les gens qui se mettent au théâtre à 9 ans. Tu devais être détesté à l'école, non? C'était un super. Non, j'avais. Moi, j'aimais bien les gens. Moi, oui, bien les... mais est-ce que c'était réciproque, hein? Ouais. Ah, ouais. Si. Bah, une fois, si, j'avais raté l'école parce que j'étais partie. Mes parents m'avaient emmené en vacances et on avait raté 2 jours de cours. Et quand je suis revenue le lundi, il y a Jennifer, en fait, elle avait monté tout le monde contre moi, en fait. Et j'ai souvenir d'arriver dans la classe, tu sais, et tout le monde marchait derrière elle. Et tu sais, il y avait vraiment. Je suis arrivée, j'ai senti que je me suis dit, il y a quelque chose. Et tout le monde marchait derrière elle, et elle, c'était la reine, tu vois. Et il y a juste Coralie qui est venue me voir, qui m'a dit, elle a monté tout le monde contre toi quand t'étais pas là et tout. Je suis rentrée le midi. Elle t'a critiqué. Mais c'est le roi lion. On peut pas imaginer cette enfance difficile quand on la voit comme ça. Et ça, c'est le thème du prochain spectacle. Comment j'ai été rejetée un lundi matin. Avec les larmes aux yeux à chaque représentation. Et là, Coralie. Mais je comprends. En fait, non, mais tu sais, je l'ai pas hyper mal pris. Je me disais, mais pourquoi faire? Si je me disais, c'est... Dit, ah, c'est que je dois être un danger pour elle. C'est... Non, je sais pas. Ouais, ma mère, elle m'a dit, laisse, de toute façon. Elle est jalouse. Elle est jalouse, c'est des jaloux. Ouais, c'est du passé. Hein, elle m'a dit qu'elle est jalouse. Non, tous je sais les pas, ans, mais, tu c'est... Nous en non, mais c'est intéressant. Non, mais là, quand tu parles de harcèlement scolaire et tout, tu vois, les clés que tu peux avoir. Oui. Moi, je suis rentrée et ma mère, elle m'a dit, ça m'est déjà arrivé au bureau. Que Jennifer la montre tout le monde contre elle. Ouais, parce qu'elle a deux jours de travail quand même. Elle est acharnée, c'est Jennifer. Elle voulait faire tomber les criefs. Il y a un truc transgénérationnel qui se crée. Bon, écoute, très bien. Mais j'ai attendu un peu et tout le monde est revenu. Tout le monde en avait marre du règne de Jennifer. Non, ça a duré. Là, vous n'avez pas l'image, mais elle a croqué un petit bout juste après en disant je l'ai bien mouché. Une compagnie scandinave a proposé un voyage particulier à 1000 passagers. Quel en était le concept? Alors, c'est en avion? C'est en train? C'est en avion. C'est en avion? Que c'est la destination qui est particulière? Tout à fait. Ah. C'est la stratosphère? Ce n'est pas la stratosphère. C'est un pays? C'est un pays. Est-ce que ça peut être un pays où, où juste ils atterrissent mais ils sortent pas, ils repartent? Alors c'est pas ça, mais on est voilà, on est proche c'est de plus ça. Ce genre de réponse que un c'est vrai sur pays. L'océan. Il s'arrête c'est pas sur l'océan. L'océan. C'est un pays où fait froid. Alors je peux pas te répondre. C'est un pays imaginaire? Non, ce n'est pas un pays imaginaire. C'est un quoi, pays bien réel. Putain, c'est malin ça comme question. Non, je te jure, je suis très premier degré. Putain, il a vraiment gardé son âme d'enfant, quoi. C'est hyper beau. Non, mais il aurait pu créer un truc, tu vois. Oui, genre, oui, t'atterris et c'est Harry Potter. Tu ta, vois. Question, ouais, ta question, elle est trop chou. Elle est trop chou. Alors, donc, c'est un voyage particulier. C'est cher? J'ai pas le prix. Je peux vérifier le prix, mais c'est pas. Non, c'est le prix d'un voyage. C'est le prix d'un voyage. Est-ce que c'est juste tu survoles? Non, tu atterris. Tu atterris. Je vais même te dire, tu atterris le 5 et tu repars le 8. Donc c'est très précis. Ah, est-ce que ça serait au pays du Père Noël? Ce n'est pas au pays du Père Noël. J'ai pensé à ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose ça de existe, ça n'a rien à voir. Ça existe, ça existe apparemment. Le pays du Père Noël existe. Bah, le Père Noël existe. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai qu'on nous avait dit. Pardon. Pardon, je pensais à quelqu'un d'autre. C'est Noël, ma mère qui n'existe pas. Je confonds avec le géant vert. Alors, donc c'est un pays qui existe. Combien d'heures de vol? Pareil, je peux pas te répondre. Mais le fait que je peux pas te répondre. Et ça, vous avez attends, est-ce qu'ils vont dans le même pays? Ils vont tous dans le même pays. Non. Scandinave, ça peut nous aider ou pas? Non, en fait, c'est pas le même pays, je veux dire celui d'où ils partent. Ah oui, ils partent du même pays. Non, mais ça, je veux dire, ils arrivent dans le même pays qu'ils partent. Oui. Oui, c'est ça. Attends. Donc, est-ce qu'ils font un tour? Est-ce qu'en fait, peut-être, ils font juste un tour? Ils font un tour du monde. Ah non, non. Non, mais peut-être qu'ils vont. Ils font quelques heures. Il y a un truc de fuseau horaire. Non, je pense pas qu'il y a, fuseau, y a une incompréhension là. Dis-moi. Question c'était est-ce qu'ils restent dans le même pays? Ah non, voilà. Ils vont dans un endroit. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Non, je suis pas aussi pas bon que Laurent Ruquier, pardon. Et vous êtes que trois. Parce que tu viens de nous dire que tu viens de nous dire qu'ils revenaient au même endroit. J'avais pas compris ça. J'avais pas compris. Moi je sais. J'ai compris qu'il avait pas compris. Jamais les grosses têtes. Alors que j'étais comme ça pour doubler Ruquier cette année. Pour moi c'était en septembre ou jamais. Ça t'est passé sous le nez. Alors donc ils partent, ils volent. Ils partent, ouais. Ils partent le 5. Ils sont 1000 passagers, mais 1000 passagers. Attends, et est-ce que c'est de mauvais goût? Non, pas spécialement, non, je crois pas. D'accord. Je pense que, attention, je pense que tu détestes. Voilà. D'accord, non, mais c'est, attends, mais c'est indécent, genre? Non, c'est pas indécent. Non, d'accord, ok. Et vu qu'on est aux a priori, je pense que Bérangère aime bien. Il reste 3 le jours. Le concept. Mais c'est un truc. Ah, c'est un truc de partouze? Non, mais ça doit être spirituel, j'imagine. C'est un peu spirituel, entre guillemets. Tu voyages dans le. Okay. Ah, tu vas. Est-ce que tu voyages pas dans le temps, c'est bête. Non, tu non, pars non. pas hier et t'arrives demain, c'est avec un truc de fuseau horaire. Parce que ça, t'adores, visiblement. J'aimerais bien. Non, c'est tu un vas c'est en, un Inde, en Inde? En fait, je peux pas répondre à ta question. Et c'est ça qui est mon indice, en fait. Ah, ils ne savent pas où ils vont. Ah, ils exactement, savent pas où ils vont. C'est une destination inconnue. Ah, ouais, oh, j'aime non, bien. Non, ça peut me plaire. Ah bon vrai. Ah bah, de pas avoir à faire de choix. Ah oui, vraiment okay, me plaire. Oui, quand t'atterriras à Bruxelles pour 3 jours et que t'es parti de Scandinavie, c'est-à-dire que t'es parti de Paris pour faire le voyage imaginaire et là on te ramène à Paris et t'as payé pour ça, je suis pas sûr que tu sois là, très content. Y a un petit somme, j'avoue. Le groupe Scandinave a en effet proposé une aventure insolite à ses membres les plus fidèles, donc c'est pas pour tout le monde, hein, embarqué pour un voyage mystère nommé Destination Inconnue. Ah, c'est gratos? Ah non, c'est payant. Ah bon? Non, le programme a fait plus de. Non, c'est réservé c'est à l'élite, mais c'est. Oui, voilà, vente privée, exactement. Le programme a fait. Oh, ça se fait souvent, tu sais, les ventes. Non, mais bizarre que ce soit réservé à. Mais parce que regarde, les 1000 enthousiastes, ils ont ça, tout ça, rempli ça, en ça, 3 minutes. Ça, il aime pas. Ah, il aime pas du tout. Non, ça, c'est avec la hiérarchie et l'élite. C'est pas vraiment un privilège de. Tu vois. Enfin, bah, si, parce que dis-toi qu'avec juste leur groupe réduit, ça s'est rempli en 3 minutes seulement. Donc imagine si c'était ouvert au monde entier. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Et on sait toujours pas, puisqu'ils partent le 5 avril. Donc je ne saurais. On aura la réponse le 5 avril. Et ils reviennent deux jours avant la sortie. Je trouve ça. Oui, tout à fait. Je trouve ça un peu risqué quand même. Parce que ça dépend le prix du billet, mais parce que c'est pas la même chose que de faire 2 heures de vol que de faire 12 heures, tu vois. Ouais. Donc c'est le truc est un peu étrange. C'est vrai même. Qu'il y a peu d'infos. C'est-à-dire que je sais pas oui, combien de temps dure le voyage, je sais pas, que tu vois. Soleil, et qu'est-ce que tu prends oui, en vêtements c'est vrai, ça, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu prends? C'est vrai. Prends tout. Dans le doute. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Dans le doute, prends une tout. Combi de ski, un maillot de bain et des tongs. C'est bizarre, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est du coup quelque chose qui pourrait vous tenter, Jérémy? J'ai l'impression que non, du coup. Ah non, bah, pas du tout. Non. Ah ouais. Aucune confiance dans l'être humain pour me faire profiter d'un moment de 3 jours sans que j'ai eu mon mot à dire dessus. Je n'y crois pas du tout. Souci avec le contrôle, Jérémy. Totalement. La maîtrise des choses. Très léger. Très léger. La virée de ma place, je rappelle. Et toi, Adrien, tu le ferais? Je suis très surpris. Je sais pas. Alors, mais t'es dans une évolution. Non, alors, là, depuis quelques années. Franchement, gratos, je le fais. Après, on est j'irai pas payer pour faire ça, par contre. Ah, oui. On est sur quelqu'un qui passe son anniversaire avec ses neveux, hein. Ouais, c'est ouais, ça. C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est... Tu remets l'église au milieu du village. Ouais, enfin, non, oui, mais c'était gratos, sur le je choix, le fais. Ouais. Gratos, je le fais. Je payerai pas pour aller à un endroit où, effectivement, là, c'est là où je te rejoins, quoi. Ouais. Parce que je serais très énervé si je suis déçu de la destination et que j'ai payé, quoi. Mais d'ailleurs, on vous l'a pas proposé, vous, rendez-vous en terre inconnue? Non, c'est pas un truc. Si, mais on n'a jamais réussi à le caler parce qu'il faut partir longtemps. C'est, hein. Un ouais. C'est mois, très long, hein. C'est trois ouais. semaines à moi. Hein. Donc, ouais. Ouais. Donc faut, tu vois, faut arriver à le caler quand même dans le, ouais. plage, dans le planning. C'est pas, ouais, c'est pas si simple. Alors qu'un week-end à la campagne, comme son nom l'indique, ouais. c'est une journée et demie en semaine. C'est ouais. ça. Ça tu as fait toi. Attends, il y a que Bérangère, merci. Parce que la vanne était drôle. C'est un grand. On est d'accord. Week-end à la campagne. Attendez, je vais vous. Je vais vous la refaire. Oui, oui. Un week-end à la campagne, comme son nom l'indique, c'est un lundi en semaine. Oui, oui, oui, oui, oui, pardon. Oui, oui. Moi, je l'ai eu tout de suite. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure aux grosses têtes, ça a cartonné. Pour qui vous vous prenez là? Pour qui vous vous prenez avec votre podcast là? Mais vous l'avez fait ce truc-là, le truc dans la campagne? Pareil, ouais, moi, ça, ouais, j'ai fait, moi. J'avais même pas moi, que, en fait, j'apprends l'existence de ce truc. Ouais, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Ah, vous avez kiffé? Alors, ouais. Vous pouvez expliquer peut-être le concept à Adrien qui pas, regarde moi. Pas trop la téloche? Bah, tu pars à la campagne. C'est un lieu qui existe, c'est pas un lieu imaginaire. Non, c'est, c'est pas vrai. C'est un vrai lieu. T'es vraiment, ouais, dans un truc hyper calme. C'est avec Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, c'est dans une maison avec trois personnes. Tu ne sais pas avec qui tu es. C'est ce qui m'envoie le plus au monde. Attention, ça, t'étais ok, toi. Hein? T'étais ok avec trois personne que tu non, connais pas t'es... Oui, oui, oui, oui. Oh, parce que... Non, mais en vrai, moi, je savais qu'il y avait. Oui, voilà. Voilà. Voilà. Pour non, vous dire... moi aussi. Ouais. Ah oui, voilà. D'accord. Oh, et attendez, on n'est pas en train on de... On est en train de débunker, là. Ouais. Voilà, ouais, ouais, il y a Frédéric Lopez mais qui mais mon week-end à la campagne, il passe bientôt, là. Je crois qu'il passe dans 2-3 semaines. J'étais avec Isabelle Boulet et Gauthier Capuçon. D'accord. Et c'était vachement bien, parce que c'est des gens que tu croises pas dans la vie, tu vois. Ouais, ouais. Je vais rarement... Oui, et puis ils arrivent quand même à trouver quand même des angles où tu te rejoins quand même. Ouais, ils trouvent des points communs, ouais. Ils trouvent des trucs. Et puis c'est rigolo quand même parce que t'es dans un cadre un peu particulier. Franchement, et puis moi j'aime beaucoup Fred. Ouais. Oui. Il est super. Mmh. Moi j'avais fait la parenthèse inattendue ouais. au tout début de ma carrière, tu vois, quand j'avais fait Ruquier et tout. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui voulaient nous inviter. Moi, j'ai pas compris ce métier parce que quand t'es pas connu, on t'invite pas parce qu'on te dit bah non, t'es pas connu donc on t'invite pas. Et après, quand moi j'étais connu avec Ruquier, ils me disent mais personne d'autre veut t'inviter parce que t'es connu avec Ruquier. Je comprenais vraiment rien ce métier. Ils t'ont invité que quand il y a des hommes politiques. Et voilà, il y a un petit moment, il y a un petit moment à vivre. Après, ça a bougé, mais au début, et l'un des premiers à avoir pris le risque, entre guillemets, de me programmer dans une émission populaire alors que j'étais pas encore très connu, c'était Fred. J'ai fait la parenthèse inattendue, c'était super. Ouais. Ouais, il est chouette. Mais ouais, moi, c'est de me retrouver au petit-déj avec des gens que je connais pas. Juste ouais, ça, en fait, ça m'angoisse. En fait, c'est vraiment le lendemain d'un moment. Et tout le monde un peu. En fait, quand tu crées un espace. Pardon, je vais faire vraiment. Ah, non, mais ça m'intéresse. Quand tu crées un espace où. De sécurité, tu vois, c'est-à-dire que l'animateur. Enfin, Fred, il est. Tu sens que. Il va pas aller chercher chez toi des trucs, il y a pas de ouais. de faille, ils ont tu vois travaillé sur mais c'est pour que tu parles de toi et d'un coup quand chacun se livre, je sais pas Jérémy mais quand chacun se livre d'un coup t'as accès à quelque chose que t'as pas dans une émission. Mmh. Donc quand tout le monde met un peu son cœur à nu, en fait ça annule toute dinguerie, soit le mec est un sociopathe ouais. s'il appuie dessus ouais. mais quand tout le monde est comme ça avec son petit cœur dans sa main, il y a personne qui prend un couteau et qui tu vois mmh. ouais. non c'est très bienveillant et en fait donc le lendemain matin mais t'es genre t'as un truc où t'as rencontré ces gens mais d'une manière ouais, profonde okay. donc t'es pas genre gêné quoi et, tu vois c'est un truc de cœur en fait. Il pose la question du petit déjeuner parce que Florent, on est parti en tournée, on avait fait une tournée du Floodcast. Faut savoir qu'au petit déjeuner, moi je me lève avant lui, je suis au petit déj, je le vois arriver, je fais ah, il passe devant moi, il va se mettre à une autre table. Ah ouais. Avec ses lunettes de soleil, hein. Ouais, avec ses lunettes de soleil. Attendez. Et attention, je peux totalement comprendre, ça n'en est pas moins vexant de voir son pote arriver faire ah, et il fait Non, j'ai dit bonjour. Il fait un petit mouvement de tête et il va se mettre à une autre table. Ah, je fais le petit délai avec les gens. J'aime pas prendre leur tête. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question, je le connais. Ah, mais ça vient d'où ça dans ton enfance? Bah, c'est avec l'hygiène, c'était les trucs. Non, mais je sais pas, je. Il déteste, il venait dormir dans des draps propres, il déteste ça. Mais putain, j'avais demandé de pas changer les draps à l'hôtel. Personne n'a chié dans les draps. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, c'est un moment, je trouve le matin. Oui, il me faut une petite heure avant que je parle à des gens, que voilà. Non, ouais, mais moi c'est moi, même vers 17h 18h que j'arrive à parler avec les gens. Donc, honnêtement, moi ça me choque pas du tout. Non, pas du tout. Et vous avez pas fait une émission qui était un petit peu plus galère, genre Fort Boyard, un truc comme ça? Toi t'as fait Fort Boyard? Moi je l'ai fait 3 ou 4 fois, je trouve. Ah ouais. Mais toi t'aimes bien le challenge aussi. Après, j'y vais plus trop parce que en fait le problème c'est que quand même les gens se rendent pas compte. Parce que à la télé tu te rends pas compte, mais en fait c'est quand même la sécu elle est pas non plus c'est un peu roots, hein. La sécu c'est un peu roots quand même, et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'aime beaucoup cette émission et les gens qui m'ont programmé, etc. C'est pas méchant, ouais. Mais quand derrière t'as une tournée, moi tu dis ouais mais attends, potentiellement je peux me péter la cheville ou je peux... La dernière fois que je suis allé, moi je me suis fait une double entorse de la cheville. Du coup à l'énigme du perforase en plus. J'allais dire l'infirmier, c'est le mec qui fait perforase. En plus j'ai vraiment une marche dans la tour. Mais non, mais c'est ça. attends, le pire, donc on fait une émission, elle était vraiment sport cette émission, hein. Des trucs dans la flotte de nuit, machin, enfin j'ai tout fait. Franchement, ça se passe bien et je fais une dernière épreuve. Et je dois aller dans un coffre-fort, donc je dois tout casser dans la pierre. Alors là, j'adore, évidemment. Oui. Tout casser dans la pierre. Dans régal, élément. Alors dans là, dans mon élément, je bats le record, si tu veux. Je casse même des trucs qu'on ne doit pas casser normalement. Du matos. De caméras. De caméras. Et alors, donc je fais tout le truc, je récupère, je sais plus ce qu'il y avait récupéré. Je ressors du truc, et en fait, il y a une échelle toute conne pour monter, pour ressortir. Sauf que là, ils envoient de l'eau dans la pièce. Ah. Et donc, l'échelle, elle glisse. Ah oui. Et donc moi, comme je suis en train de courir, je loupe un barreau de l'échelle et clac ma cheville. Et donc quand après tu ressors, tu dis ouais putain, ça fait quand même chier parce que derrière j'ai quand même des tournées et bah tout machin. Ouais. Et donc voilà, donc du coup c'est vrai que là j'hésite un peu à retourner parce que je me dis ah putain, si je me blesse ça fait chier quoi. Ouais, je comprends. Hein. Et pareil, on pourra couper, mais Baptiste Le Caplin m'a raconté une anecdote sur toi qui m'a dit que t'avais dit les araignées le mettaient pas parce que c'est pas mon truc. Et qu'ils avaient fait oh t'inquiète pas, et que t'avais vraiment dit je vais les tuer, c'est par contre oui. Si ouais. Donc, ça parce que en fait j'ai parlé aux gens de l'émission, je leur ai dit je sais que je vais vous dire que j'ai peur des araignées, donc votre délire ça va être de me mettre des araignées ouais. pour me voir hurler ouais. parce que ça va faire de l'image. Et si vous me mettez des migales sur moi quand j'ai une réaction de peur je vais être violent, ouais, donc ça. Si tu me mets des araignées sur moi, c'est sûr et certain que je vais taper j'ai sur envie les araignées de vivre ce moment. Et comme je veux pas te faire des os une migale patte par patte. Non, mais comme j'ai prise pas envie, du sommeil. J'ai pas du tout envie de faire du mal à cet animal. Bien sûr. Je dis, c'est pour l'animal que tu mais dis mais ça. Mais c'est sûr, tu me fous une migala, c'est certain que je vais faire. Ouais, c'est sûr. Mais c'est une réaction physique en fait. C'est sûr. Ouais, bien sûr. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais moi j'ai vu des trucs parce que je l'ai fait 2-3 fois. Je l'ai fait au tout début, donc il y a 10 ans, je l'ai fait avec Majid. Tu sais, on avait un duo qui s'appelait les Lascarguet. Ouais. Ils les ont foutus tous les deux dans une boîte. Ils avaient dit au début, on n'aime pas les migales. Je dis, t'as dit que t'aimes pas les migales ou t'as dit, j'aime pas les migales et si vous les mettez sur moi, je les tuerai. Il dit, j'ai juste dit, j'aime pas les migales. Je dis, tu vas prendre des migales dans ta gueule. Ils les ont mis dans une boîte. Oh, avec des je sais pas si l'épreuve existe encore. Écoute bien. Donc t'es dans une boîte, d'accord, une boîte transparente. Ils en mettent un accroupi en dessous de l'autre. Ça fait comme une étagère. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a un au-dessus, une étagère et un en dessous, d'accord. Et là ils balancent des migales. Et donc celui du dessus, il pousse des migales qui tombent sur celui d'en dessous. C'est Guantanamo là. Majid, il a hurlé dans ma tête. Moi qui étais à l'extérieur, j'ai dit ce cri, ils vont en faire. Des mèmes, ils vont en faire des vidéos, ils vont en faire des chansons, ils vont en faire des pins, ils vont tout faire avec ce bruit. Il a crié, mec. Mais c'était une enfant de 12 ans dans la forêt, quoi. Un truc. Alors, et celui qui m'a vachement, je l'ai trouvé vraiment très courageux. J'avais fait Fort Boyard aussi avec Brahim Asloum. Ouais. Et là ils lui disent t'as peur des serpents? Il dit oui. Et je lui ai dit, t'as dit que t'avais peur des serpents ou que tu taperais les serpents s'ils t'en mettaient? Il m'a dit, j'ai juste dit que j'avais peur des serpents. Tu vas prendre des serpents sur ta gueule. Ouais. Et donc, et là écoute bien ce truc, il est ouf. L'épreuve est dingue. En fait, je sais pas si vous voyez l'émission, en fait ils te font ramper de dos, enfin sur le dos, sous un plancher. Ah, oui, oui, oui, oui. Et ah, il balance des serpents à travers les lamelles du plancher. Donc t'es là en train de ramper sous un plancher, déjà t'as peur. Ouais. Parce que déjà de base, il y a des araignées. Déjà, ouais. Déjà de base, il y a des araignées et des serpents. Je crois qu'ils ont pas dû en rajouter beaucoup, tu vois. Et en plus, ils t'en balancent sur la gueule. Et Ibrahim, qui a vraiment très très peur des serpents, il a fait tout le truc en pleurant. Ah ouais. Oh. Mais j'ai trouvé tellement courageux. Bah oui. C'est bah ouais. Mais vous aimez les sorts. Non, je veux la clé. La non, clé. Il est vraiment la très clé. Courageux. Très courageux. C'est pour ça que je le fais pas. Mais, ouais. Non, parce que moi j'aime bien, comment dire, traverser une peur. Je trouve ça intéressant de pas rester dans la peur. Mm. Mais pas dans un challenge où tu me mets la pression, il y a un où salier, y a des enfants malades à la fin, où tu filmes aussi, tu filmes. Non, non, ouais, je sais pas, mais ça, c'est pas. Et puis ça a changé de DA. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le côté. Non, mais avant, il y avait le côté un peu, c'est le Moyen-Âge, c'est les trucs. Maintenant, il y a des cow-boys, des fois, je me souviens de Oli, de Big Free Oli, qui était en homme velcro. Qui essayait d'avancer dans un truc où il y a des scratchs partout. Ah oui, oui, oui. Et après, bon, Henry, bah, t'as l'air un peu con aussi, oui, quoi. Bon, après, il y a la gaffe qui vole, donc à partir de là, tu peux. Vous avez vu celui de Poulpe où il est en. Tu sais, dans un. Comment ça s'appelle les suits là, un bodysuit. Un bodysuit, ouais. Tout ouais. Vert. Il rentre dans une salle, il doit. Il y a le sol colle. Mais je crois que c'est le même, ouais, c'est celui-là. Et Dolly. En fait, son ouais. Costume reste accroché. Oui, c'est ça. Oui, t'es comme un Teletubbies dans de la glu, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, t'as le truc qui reste, mais attends. En plus, il dit donc, faut que je fasse gaffe et tout. Il rentre. Non, puis moi, je veux pas perdre. Donc, en fait, tu vois, il y avait une épreuve, par exemple. Je me rappelle, en fait, ils te mettent comme un élastique. En fait, non, tu dois prendre une boule. T'as une boule qui est accrochée par un élastique, donc qui est retenue par un élastique. Et t'as un tapis roulant. Tu dois courir sur le tapis avec la boule qui est accrochée, donc qui est retenue par une résistance. Et au bout, t'as trois ronds dans lesquels tu dois mettre la boule en fonction de la taille de la boule, tu vois. Donc première boule un peu facile, deuxième évidemment dure, et troisième pratiquement impossible. Mais moi, je lâche pas l'affaire. Donc le truc, c'est que le tapis, je finis accroché au truc comme ça. Mes jambes qui partent en arrière avec la main droite pour rentrer la boule, et je finis, j'ai toutes les jambes brûlées au deuxième degré parce que le tapis, il a frotté sur mes jambes. Tu sais, je veux pas perdre. Ah ouais, donc oui, en fait, à chaque fois que je ressors de Fort Boyard, je suis blessé. Mais c'est pour ça que tout le temps. Plus, en fait. Et le truc le pire qui m'est fait, je me rappelle toute ma vie de ça. Il y avait un truc, c'était t'as une descente en ski. Alors déjà t'es ridicule parce qu'ils te foutent en ski en tenue de ski et tout. T'as un petit toboggan en plastique et après t'as une petite montée. Tu dois essayer d'attraper l'étoile. Tu dois l'étoile. Je me crois dans Mario. Tu dois essayer d'attraper la clé. Non d'ailleurs je crois que c'était une étoile, c'est bien. Ouais. Tu vois, en fait t'as comme un tremplin et derrière, enfin tu vois quand tu rentres dans l'attraction, enfin dans l'attraction, dans l'épreuve, t'as comme un, je sais pas comment expliquer, t'as comme comme s'ils avaient mis un, putain faut que je trouve un mot là parce que c'est trop long. Comme si t'as un drap, voilà. Ouais. Comme si t'as un drap si tu veux avec un décor. Voilà, et donc okay. Et donc si tu veux le tremplin il t'emmène vers ce drap. Ouais. Et donc je dis derrière il y a des coussins et tout, enfin il y a de la sécu derrière. Et ils me disent oui. Oh, la tête de ma mère, je traverse le drap derrière du bois de la planche. Deux tigres. Rien derrière. Derrière deux tigres couvre les bras. Je suis mangé avec des. Mais y a pas tant de blessés. Enfin, non, ils ont du bol pour ouais, tous les années. Il y a des blessés, mais tu plaisantes. Il y a des côtes fêlées. Mais regarde, mais tous les ans, il y en a, ils repartent à l'hôpital. Oui, c'est vrai. On nous casse les couilles avec Squid Game, alors que nous, regarde, on a Fort Boyard. Eric Antoine, ils lui ont fait bouffer un piment, il a filmé à l'hôpital. Ah bon oui. Il était dans la chambre d'hôtel, on était dans l'hôtel ensemble. Il était dans la chambre d'à côté. Eric Antoine, il fait 2 mètres quand il hurle. T'as l'impression qu'il y a Godzilla qui est en train d'arriver dans la ville. Mais il hurlait, Bérangère, comme ça. Ah, comme ça. Je suis arrivé dans la chambre, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, il s'était blessé. Je sais plus où il boitait et en plus il me dit le ventre, je suis en train de mourir. Il a fini à l'hôpital. Oh là là. On l'a emmené. Oh là là. Non, c'est pas si. Là je vois, j'ai googlisé du coup. Samuel Etienne, lui, il a eu un décollement de la plèvre. Ouais, sur le coup, j'ai cru que c'était les côtes. J'en avais déjà eu 2 de cassés la dernière fois que j'avais fait Fort Boyard. Mais non. Ah ouais. Mais bien sûr. C'est non, pour mais ça que je le fais pas. J'ai trop. C'est pour ça qu'il joue aux jeux vidéo maintenant, Samuel Etienne. Tu peux le faire, mais il faut être quand même en bonne condition physique. Ouais, ouais, et faut savoir que potentiellement tu vas te blesser. Après, il y a pas de problème. Après c'est marrant. Faut juste être conscient de ça quoi. C'est comme avec un nouvel an avec des oncles un peu bourrés. Oui voilà c'est ça. Tu sais à quoi t'attendre. Une caissière a détourné 100 000 euros dans son supermarché. Pas mal. À votre avis, comment a-t-elle fait? Est-ce que c'est sur les trucs est-ce que vous voulez donner à une œuvre de charité? Les bons de réduction rajouter... Non c'est pas les ça. Les bons de réduction. Alors t'es pas loin. Donc c'est pas avec les bons de réduction. Bah non c'est pas les bons de réduction. Mais on mais s'approche. Ça se rapproche des bons de réduction. C'est ça. Donc elle se servait d'une réduction. Donc elle devait. Elle faisait croire que c'était plus cher, genre. Non. Est-ce qu'elle se servait des soldes, des produits en solde? Pas des produits en solde. Est-ce qu'elle se servait des produits qui sont à plusieurs? Non. Genre, tu vois, il y a 6 bouteilles d'eau et en fait. Ouais, ouais, non, non, c'est pas ça. C'est mais pas c'est ça. Un, cela dit, un bon plan. 100 000 euros, c'est ça 100 000 euros. Tu remarques toutes les idées que j'ai pour frauder les gens. Ouais, c'est ça. Je vois le sujet du prochain spectacle. Est-ce que ça serait pas sur les balances en pesant des fruits et légumes et l'appuyer un petit peu plus sur la balance? Ça, c'est ce qu'on a fait, nous, ça. C'est moi, c'est ça. Oui, mais ça, mais non, c'est pas ça. Si t'appuies un peu plus sur la balance alors que c'est toi qui vas payer, c'est que t'es con. Oui, oui, moi j'adore de l'argent sur ma chaîne. Même si elle fait ça, juste les gens payent plus cher, c'est pas de l'argent qui tombe dans sa poche. Ouais, ouais. Il doit y avoir un truc. Bah de l'espèce. Est-ce ça, que, ça, on est un truc avec de l'espèce. Non, quand même. C'est pas de l'espèce. Ah bon. D'ailleurs, elle a pas vraiment. Elle a détourné des choses qui ont une valeur in fine de 100 000 euros. Elle a pas pris l'argent. Elle gardait des trucs. Elle alors, volait des. Pas des objets. Pas des objets. Donc elle volait. Alors attends, qu'est-ce qu'elle peut garder? Les bons d'achat que les clients. Elle passait sa carte de fidélité. Non, c'est elle. Ah, ça c'est drôle. Vous en avez acheté du café ce mois-ci. Alors attends, vous étiez pas loin, hein. Vous étiez avec pas loin. Avec les bons de réduction. Bons de réduction, bons d'achat. Donc du coup, elle se sert d'un truc qui est pas elle en fait, c'est ça. C'est ça. Elle se servait d'un avantage client. Exactement. Les jeux là, les trucs des jeux où tu passes c'est plus ou moins, j'ai plus ou moins dit la bonne réponse. Vous êtes pas loin et surtout j'ai peur que du coup on trouve pas parce qu'on n'est pas très très loin. Elle a détourné des cartes cadeaux. Ah oui. Ouais, voyez ce que c'est les cartes cadeaux. Oui, bah c'est ouais, des bons de réduction. Oui. Ouais, bah Laurent Wauquiez l'aurait accordé celle-là. Non, il aurait préféré garder ses 200 balles. Mais comment elle fait? Alors je vais t'expliquer, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je vais vous lire ce que le truc, parce que moi je suis très mauvais en détournement d'argent, s'il y a des gens qui m'écoutent. Le loup du Franprix. Une c'est ça. Une femme et son époux sont poursuivis pour escroquerie et recel de biens obtenus suite à une escroquerie. La prévenue aurait détourné pour 100 000 euros de cartes cadeaux en moins de 2 ans alors qu'elle était caissière à Auchan. L'hôtesse de caisse avait 28 ans d'ancienneté, bénéficiait d'un statut particulier. Caissière depuis l'ouverture de l'hypermarché, elle était devenue formatrice pour le fonctionnement des caisses, lui donnant accès à une caisse école sur laquelle elle faisait passer discrètement des cartes cadeaux pour son compte personnel. Oh. Donc c'est pour ça que ça se voyait pas trop, tu vois, c'était un truc un peu caché. Oh, donc, plein d'onomatopées. Ouais. Ah, oh. Moi je suis toujours très impressionné par les gens qui font un micmac dans un truc. Et tu sais, moi je peux te raconter parce que mes parents étaient commerçants. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Alors ça se fait moins maintenant parce que les gens payent beaucoup en carte bancaire. Mais est-ce que vous savez pourquoi les souvent dans les petites épiceries et tout, quand vous lui donnez un billet, est-ce que vous savez pourquoi ils prennent le billet qu'ils le mettent sur la caisse? Parce que les gens pensent que c'est pour se rappeler du montant qu'on a donné. Mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, il y a une technique. Il y a une technique qui on le faisait tout le temps. De dire, je vous ai donné 20 euros, c'est ça, non? En fait, c'est même pas ça. Ah ouais? C'est qu'en fait, tu sors le billet. Enfin, c'est un peu ça. En fait, quand tu sors le billet à la caissière, tu sors le billet et tu le ranges. En fait, c'est-à-dire que tu le sors, elle te dit 17 euros, tu sors le billet. Et en fait, tu le re-ranges. Ah, tu le reprends. Et en fait, ton cerveau, il capte pas et t'as l'impression que t'as mis le billet dans la caisse et tu rends 3 euros. La personne prend 23 euros. C'est pour ça que quand au magasin de mes parents, la première chose qu'on disait toujours aux caissières, c'est faites attention, gardez le billet, vous le prenez et vous le mettez devant vous. Pas faut mal. Que ce soit sur la caisse. Comme ça, vous savez que vous l'avez pas mis dans la caisse. Ouais. Et vous prenez le réflexe de le mettre au-dessus et pas dedans. Parce que sinon, vous avez toujours un doute. De dire est-ce que je l'ai mis dedans ou pas. Ouais. Et le client peut toujours vous dire non, vous venez de le ranger. Ouais, mais comme tu sais que tu le ranges pas avant d'avoir rendu la monnaie, t'es sûr que pas mal. Wow. mal. Donc pour te dire que cette petite caissière là, moi je l'aurais chopée. Elle aurait pas fait ça chez ma mère. Mais surtout que les cartes cadeaux chez Auchan, elles fonctionnent avec toutes les anciennes du groupe, Leroy Merlin, des bijouteries et maître Zakia Etali dit, elle s'est fait plaisir. Elle s'est fait plaisir l'avocat. Bah, tant mieux. Elle pouvait acheter des choses, mais elle pouvait pas prendre de l'argent. C'est ça. En fait, c'était des cartes cadeaux. Donc ouais, mais bon, c'est Auchan, Leroy Merlin et des Leroy Merlin. Nous les Leroy d'ailleurs le 10 avril. Et les bijouteries. Donc du coup, elle. Juste en 28 ans, elle a fait ça sur plusieurs enseignes. En fait, c'est les enseignes qui sont lésées dans cette histoire. Ah oui, bah plutôt. Bon, c'est pas grave. Oui, bah c'est pas grave, mais malheureusement, la pauvre. Elle a pas volé à des clients, quoi. Bon, on a pu remonter L'avocat, c'est ok pour toi? C'est ok, d'accord. Pour moi, c'est bon. On a pu remonter que sur une période de 2 ans à compter de son licenciement de notre avocate, on ne sait pas ce qu'elle a pu faire avant vu qu'elle a 28 ans d'ancienneté. Donc ça se trouve, des millions d'euros, ça se trouve. C'est Marco Mouli. C'est ça. Bah t'es magistrat d'ailleurs. Sa combine a été découverte suite à une erreur de casse plus importante que les autres de 750 euros. Sans ça, l'avocate de l'hypermarché estime qu'elle aurait continué. C'est le problème des gens qui font des choses comme ça. Ouais. C'est comme les serial killers. Ils finissent toujours par faire plus. Ouais. Au début, juste je t'enterre dans une forêt. Après, je t'enterre dans une forêt, mais avant, je te découpe. Après, je vais te peindre en vert et après, je vais te découper. Et après, j'appelle les flics et je leur dis je vais enterrer. Et après, c'est ça, je commence à jouer avec les médias. Allô, le Parisien. Vous devriez aller voir du côté d'Opéra. C'est à côté de chez moi. Oh non, merde. merde. J'ai cru que t'allais dire ils se font avoir sur des petits trucs, parce que c'est la fameuse sur Al Capone qui s'était fait niquer sur un, il avait pas déclaré ses impôts. Oui, mais Al Capone, ah ouais, on savait. Oui, oui, oui, bien oui, sûr. Non, mais c'est ça que je veux dire. Avant, avant qu'il déclare ses impôts. T'as des gens qui se font des fois choper sur des tout petits trucs. Vous l'avez vu sur Netflix là, Don't Fuck With Cats. Ouais. Oui, bien sûr. Terrifiant. C'était, tu l'as vu toi ou pas? Attendez, ne niquez pas avec les chats, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est faites pas les cons avec les chats. En fait, c'est, ça part d'une vidéo d'un mec qui tue des chatons. Ouais. Et il y a donc ça sort sur Facebook. Il y a tout un groupe de gens qui commencent à enquêter sur ce gars pour se dire pour le retrouver, quoi. Qui tue des chatons en fait. Et en fait, le gars va commencer à s'amuser avec eux, à reposter des indices dans les vidéos. Il y a un twist. Il y a un twist. Et ça monte et ça monte. Pas, on va pas le dire, non, le twist. Ah, ça date, hein, ça date. Il y a, une histoire comme ça, parce que je sais plus qui m'a raconté cette histoire. Vous savez, le John Wick, tu sais, ça part du fait qu'il tue son chien. Ouais. Et apparemment, c'est inspiré d'une vraie histoire aux États-Unis. Alors, je vais la raconter de manière très approximative, parce que j'ai trouvé que l'histoire était ouf. Donc, c'est une espèce de militaire ou un mec de la marine ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon, un haut gradé, machin. Part faire la guerre, je sais pas trop où et tout, il revient, sa femme est morte, enfin c'est l'enfer, donc il est tout seul avec ses traumatismes et sa chaise vide et ses bières et ses armes et ses bandes de musculation et il y a sans que tu t'identifies un peu, attention. et le texte de son spectacle est aussi le 10 mars et il a un chien. Il a un chien, c'était le chien, je crois, que lui avait offert sa femme ou un truc un peu comme ça. Donc il a que son chien, tu vois. Et là, il y a quatre mecs en pick-up qui passent, ces espèces de jeunes un peu débiles, un peu tarés, un peu malades, qui tu vois, qui aiment bien terroriser un peu partout où ils passent. Et ils passent dans ce petit village, ce petit endroit aux États-Unis. Et alors, le chien court après le pick-up. Et les gars. Les gars tuent le chien. Ouais. Et le mec les a pourchassés à travers 5 états. Il en a d'abord attrapé 2, il les a ramenés. Ah ouais. Il les a enfermés dans sa cave. Bien séquestration, vrai. Torture, coups dans sa gueule et tout ça. Ouais. Ensuite, il a récupéré les deux autres, il les a tous ramenés en disant je vais vous tuer. Et au final, il les a pas tués, il a appelé la police. Ah, sympa! Pour moi, c'est comme la caissière, c'est OK. Hein. On est d'accord. C'est l'équivalent de Batman. Moi, je trouve ça. Ouais. Non, mais l'histoire est folle. Ah, oui. C'est les histoires que je me fais dans ma tête quand je m'endors tous les soirs. Là, ce que tu viens de raconter. Mais je la trouve meilleure que John Wick, moi. Parce que ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec normal. C'est pas un tueur, quoi. C'est un militaire, quand même. Oui, c'est un marine. C'est ça qui m'a déçu quand on m'a parlé de John Wick. On m'a dit, c'est un gars, on tue son chien et après, ils vont. Je me suis dit, c'est le film rêvé pour moi. Et le fait qu'il soit trop fort m'a un peu gâché. Moi, j'aurais voulu que ce soit un mec lambda. C'est ça. Et juste porté par la haine qu'on fait mal à son chef. T'as un super film d'horreur là-dessus qui ressemble un peu à ça, qui s'appelle Don't Breathe, où c'est trois petits jeunes qui veulent cambrioler un vieil aveugle en se disant tranquille. Et en fait, c'est un ancien marine complètement cinglé. Alors lui, en plus, ça part vraiment aux couilles. Mais du coup, qui est aveugle. Oui, c'est ça. Oui, ah, tu l'as dit. J'ai dit, ils veulent le cambrioler en disant c'est facile, il est aveugle. Je l'ai pas entendu non plus. Ah oui. Parce que je parle très vite. Je crois que tu as pas dit en vrai. Je pense que je l'ai dit. On réécoutera. Je ferai mes excuses publiques. J'ai aucun mal à tes erreurs. Contrairement à ce que tu crois, Florent. Et voilà, et c'est un super film d'horreur, Don't Breathe. Je vous invite à le regarder. Vous avez fait quoi comme métier au tout début? Parce que vous avez quand même un point commun tous les deux, c'est que vous avez commencé votre métier d'acteur ou de jouer sur scène assez jeune, en fait, assez directement. Mais 9 on ans. Sait, 9 ans quand même. Mais on le sait que quand on commence, on peut pas faire que ça. Souvent, on fait des petits métiers à côté. Vous avez fait quoi, toi, Bérangère, par exemple? Moi, j'ai fait, quand j'étais en cours de théâtre, je faisais... T'étais à Lyon, toi, déjà? À Lyon, je bossais dans une boutique. Non, c'était un truc de déco, un peu... avec des trucs un peu... Casa? Non, mais c'était une boutique indépendante, mais... On sent que tu veux pas en parler. Mais non, ça a l'air de très mauvais goût. Non, c'est très fluo. Qu'on te retrouve vis-à-vis de cette boutique, Non, c'était une boutique que j'adorais. En fait, j'étais cliente de la boutique, j'adorais, je trouvais ça très beau. C'était moi en boutique, tu vois, il y avait plein de partout de trucs et tout. Mon salaire, je le passais en... J'achetais des objets. Ah oui, je comprends qu'ils t'ont engagé, du coup. Ils se disent, génial, elle a lâché tout. Mais non, je bossais là, genre pour Noël, je faisais des renforts. Après, j'ai fait. J'étais ouvreuse au théâtre à Paris, au théâtre de Paris. Pas mal. Ouais, c'était cool. Et j'ai bossé chez Starbucks aussi. Ah, t'as fait Starbucks? J'étais barista. Ah oui, c'est ça. Bah, j'aimais trop. Ah ouais? Bah, en fait, je sais pas, je trouvais ça. Moi, il fallait se lever très tôt, je faisais le matin. Et j'aimais bien, en fait, un moment, t'as les mêmes clients, et donc t'as le gars qui a fait son footing, et donc tu sais à peu près ce que les gens prennent. Et donc tu essaies de retenir les prénoms. Ouais, je crois que je le faisais un petit peu. Et quand t'avais des Jennifer, ça te faisait un truc. J'avais mal. Et là, je crachais dans son latte. Le macchiato dans la gueule. Ouais, les d'avoine, ouais. Une migale. Tout simplement. D'accord. Et voilà. Non, et ouais. C'est vrai le truc de. Est-ce que tu as vécu ce truc de. Il faut faire des fautes exprès au prénom? Moi, c'était ma question. Je me demandais. Personne t'a demandé. Non. Vous avez jamais entendu cette légende urbaine? Bah, moi, c'est ma théorie. C'est que Starbucks, ils font souvent des. Pardon, des stories. Ouais, ils font. En fait, tu dis ton prénom et ils mettent une orthographe pas possible ou ils comprennent pas, et après tout le monde le poste, tout le monde fait mais ça peut partir d'erreur naturelle des gens, et après ils se sont dit attends quand il y a une faute, et du coup dire après n'hésitez pas à faire des fautes. Pour moi c'est le premier pas à Nilon en septembre, pour moi c'est bon, ça commence comme ça et après ça dit des choses. Il y en a qui le font sur les vidéos Insta et tout pour générer du commentaire, ça par contre c'est très connu. Oui. Quand t'es sous-titre tu fais une très grosse faute pour générer du commentaire, ça c'est très connu. Ah oui, ou dire une connerie, tu vois, tu dis une dinguerie et les gens ils vont te corriger, c'est les gens font exprès. Donc moi ça m'étonnerait pas que ce soit d'erreurs sincères et que après ils aient dit n'hésitez pas à en faire. Après il y a peut-être des baristas un peu zélés, tu vois, qui se disent vas-y j'ai envie de buzzer tout ça. Mais en tout cas rarement tu vas taguer le barista, tu buzzes pas du tout. Regardez, c'est lui qui a fait la faute, il est génial. En tout cas moi à mon époque il y avait plus de respect. Quelle époque? Il y a 10 ans. C'était à 10 ans. Oh bah ouais, au moins, ouais. Putain, pas mal. Et c'était à Paris, du coup. Ouais, j'étais à côté de l'Olympia. J'allais devant l'Olympia avec des petits shots de machin à faire goûter aux gens. Ouais, tu devais faire ça. Au cas où les gens connaissent pas Starbucks. Mais c'est il y a 10 ans, cela dit, moi, c'était moins connu qu'aujourd'hui, non, Starbucks à Paris. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je pense, hein. Ouais, moi, ça devait être le tout début. 12 ans. Et après, j'avais croisé un mec dans une rue. Je sais pas si c'était pour Starbucks qui distribuait des flyers. Et il me dit, excusez-moi, il me reconnaît, il me dit, vous avez travaillé chez Starbucks? Je dis, oui. Il me dit, ah, c'est vrai alors. C'était le jogger? Non. Il me dit, non, parce que j'ai à mon entretien d'embauche, ils m'ont dit, et ici, nous avons Bérangère Krief qui a travaillé chez nous. Ah, wow. Pas mal. Elle n'a pas fait une seule faute. Faute du non, coup, on l'a virée. Ouais. D'accord, ok. Voilà, bon, pas mal. Grosse anecdote de Starbucks. Non, mais attends, on prend. Mais j'ai jamais fait un autre métier. Non, t'as directement, ouais. Ouais, je faisais ça à côté, tu vois. Et la musique, et la boutique dont t'as honte apparemment, que t'es pas oublié. Mais non, mais j'avais pas honte. J'ai pas fait d'autres métiers alors que t'as dit juste avant la boutique. Au bric-à-broc. Tu veux qu'on oublie, mais on ne le dira jamais. Non, mais c'était à Lyon. À Lyon, c'est une grande ville, mais il n'y avait quand même pas la fantaisie parisienne. Oui. Quand cette boutique arrive, je me dis, ah, quelqu'un a été dans mon cerveau et a créé les objets que je voudrais voir. Donc j'étais contente. Mais est-ce que c'est des objets que t'aimes toujours maintenant? On sait toujours pas ce que vend cette boutique. Non, mais t'avais de la déco, des t-shirts avec des chats, tu vois. Plein de choses différentes. D'accord, c'est à peu près ce que j'imaginais. Des arcs-en-ciel, tu vois, un paillasson. Des vases fluo. Des trucs fluo. Il y avait pas, ça n'a aucun sens en fait. Attends, c'est pylône quoi, en gros. C'était pylône, mais plus joli, je trouve. Ah ouais. Moins. T'as un peu chié sur sa boutique. Moins brandé. Moins brandé. Des t-shirts avec des chats, excuse-moi. On peut... Non, mais moins brandé quoi. Très bien. D'accord, ok. Toi, Jérémy, t'as fait quoi? Qui t'es-tu? Écoute, je crois que j'ai fait tout ce qu'on peut faire. J'ai fait tellement de trucs. J'ai travaillé. Alors d'abord, j'ai fait des déménagements, j'ai fait hôte d'accueil, j'ai fait de la sécu, j'ai travaillé dans un magasin de fringues, j'ai travaillé dans plusieurs magasins de fringues. Oh, un je te à Châtelet, vois trop. Un Ronnie 2, tu me vois trop quoi. Imagine le vendeur. Imagine, j'ai rêvé qu'il vend un jean. Franchement. Bah, j'ai bah, il vous va. Oui, ah, bah prenez-le. Bah, c'est un jean, hein, de toute façon. Hein. C'est un jean, on est à Ronnie 2. Hein, donc, non, tu vas pas sortir en prince. Hein, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. La boutique, c'est de la merde. Ça coûte 5 euros, c'est de la merde. Voilà. Oui, bah, tu peux tourner 4 fois, t'as un gros cul. C'est pas un jean magique, hein, par contre. Donc, ça va pas changer ta gueule non plus. Voilà. T'es arrivé moche et pauvre, tu vas partir moche et pauvre. Est-ce que tu connais la condition des usines de jean avant de couvrir ta grande gueule? Non, voilà, et après j'ai menti sur mon. Comme j'avais pas le bac ni rien, je faisais vraiment tous les boulots comme ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup aussi de sécu de parking au Stade de France et tout. J'ai fait beaucoup. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais mentir en fait sur mon CV, tu vois. Donc j'ai rajouté un bac plus 2, je sais pas quoi. Et là, j'ai fait des entretiens d'embauche chez Orange. Donc d'abord, j'ai bossé chez France Télécom. C'était un peu mieux que la nuit dans les parkings à Aubervilliers, ouais, tu vois. Donc j'ai fait ça et après j'étais chez Orange, donc j'ai fait France Télécom et après je suis allé chez Orange. Et là c'était assez cool parce que là je gagnais bien ma vie parce que j'étais au front, donc j'étais vendeur quand même, parce que tu sais les gars que t'appelles au téléphone, les premiers c'est des micro techniciens. En fait on a une petite formation premier degré sur tous les petits problèmes que tu peux avoir. Très rapidement quand tu poses d'autres questions on t'envoie chez un autre service et nous on est surtout là pour te vendre des trucs. Et comme on avait des pourcentages sur ce qu'on vendait, là pour le coup c'était cool parce que j'ai pu gagner correctement ma vie, j'étais au chaud, j'étais dans une grosse boîte. Donc là c'était mieux que ce que je faisais avant quoi. Mais ça te libérait du temps quand même pour le théâtre, la scène, ou là c'est à ce moment-là tu fais Bah, c'est juste que je travaillais pas la nuit quoi, donc j'allais écrire je travaillais quand j'étais au cours Florent, je travaillais. Quand je jouais sur scène le soir, je travaillais la journée, tu vois. Ah, donc, et puis de toute façon, je jouais une ou deux fois par semaine, donc le week-end, tu vois. Donc j'avais le temps largement d'aller travailler. Donc j'ai travaillé tout le temps. Moi, je suis vraiment passé de rien à tout, quoi. J'ai pas eu de transition où j'étais intermittent pendant quelques années. J'arrivais quand même à gagner 1 500 par mois avec mon métier et tout. J'ai pas du tout eu ça. Moi, j'avais vraiment rien et tout à coup, ça a explosé et j'ai plus besoin de travailler. On ne demande qu'à en rire. C'est on ne demande qu'à en rire. Alors, c'est pas on ne demande qu'à en rire en soi, c'est les droits d'auteur dont on ne demande qu'à en rire. Ouais. Parce qu'on ne demande qu'à en rire, on n'était pas payé grand chose pour venir faire l'émission. Mais quoi que moi, ça me suffisait parce que si j'en faisais deux par semaine, même si je touchais 200-300 balles, enfin 150 balles par émission, ça me faisait 300 balles semaine, ça faisait 1 200 par mois. Bon, c'est à peu près ce que je pouvais gagner ailleurs, tu vois. Donc, si je faisais à côté quelques missions de sécu, j'ai fait un peu aussi de coaching sportif, j'avais des plans un peu à droite à gauche comme ça, je me démerdais quoi. Ouais. Donc ça j'arrivais, et puis après les droits d'auteur, parce que quand j'ai découvert les droits d'auteur, je me suis mis aussi à écrire pour plein de gens, on ne demande qu'à en rire, co-écrire plein de sketchs, relire des sketchs, tous ceux qui étaient en galère. Et moi je disais mais attends, donne les moi, tu vois, je vais te relire, je vais repuncher. Je me suis aperçu là aussi que j'arrivais bien à écrire pour d'autres univers, ce que j'ai continué à faire après, tu vois. Moi je peux écrire pour de l'absurde, de trucs très noirs, des trucs pour enfants, des trucs ce que tu veux, tu vois. Ouais. À partir du moment où j'ai capté ton univers, hein, parce que je trouvais parce que je me rappelle que j'avais écrit quelques fois des trucs pour des publics plus enfantin, et que je trouvais ça mignon aussi, je trouvais ça rigolo. Donc à partir du moment où j'ai capté l'univers, normalement je sais à peu près, tu vois. Donc voilà, donc du coup quand j'ai découvert les droits d'auteur et tout ça, je suis allé à la SACD, à la SACEM, j'ai demandé des petites avances et puis voilà, et puis j'ai arrêté de travailler. Ah, t'es à la SACEM. Ouais, je suis à SACEM. Ah, il y a deux teams, hein. Ah ouais, il y a un peu de teams, hein. Ouais, je suis à SACEM. Parce que j'ai lu aussi que t'avais été groom. J'ai été groom. Même pas que ça existait encore. J'ai fait voiturier, j'ai fait groom, j'ai tout fait. Non mais franchement, j'ai tout ce qui est possible, mais des trucs même complètement absurdes. Je me rappelle, j'ai fait groom au salon du textile, où j'étais à l'entrée comme une en fait, c'est-à-dire que t'avais un chariot et un groom quand t'arrivais. Ah, d'accord. En tant que grossiste. Donc en fait, le mec me prenait avec le chariot. Je déconne pas. Ah ben je te crois. Et donc il y avait 4 étages de trucs et le gars il achetait des pièces de tissu. Donc moi mais c'est lourd. Ouais. Tu vois, donc je devais mettre des tapis sur des trucs et groom tout. Et je me rappelle le gars avec qui j'ai passé la journée, je crois que c'était un Indien, un truc comme ça, très riche. Je crois qu'il m'a lâché 400 balles à la fin de la journée. Ouais. Pas mal. Mais parce que quand tu travailles dans le c'est plus que quand tu surveilles des bus à Aubervilliers pour un match de rugby, hein, je peux dire. Donc ça c'était plutôt cool, tu vois. Vous faites de l'humour aujourd'hui, je pense qu'on peut résumer un peu comme ça, principalement. Ouais, ouais. Toi, Bérangère, qui joues au cinéma ou dans des séries, est-ce que tu te verrais faire autre chose que de la comédie? Alors, des fois, tu as des rôles plus complexes, non pas que le drame soit plus complexe que la comédie, je dis pas ça, mais où tu fais autre chose que de la comédie, c'est un peu mélangé, oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu pourrais faire un rôle purement dramatique, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Moi je suis pas fermée du tout, j'ai un plaisir de la vraie comédie. Je trouve que c'est presque comme de la musique, quoi. C'est le plaisir de jouer avec quelqu'un, tu vois, c'est ce plaisir là et après il y a un projet, une histoire, un film, un personnage, s'il y a genre zéro vanne, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais tu pourrais être intéressé par ce genre de projet. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ça me plairait. Parce que toi, Jérémy, récemment, et ça va sortir le 1er mai, t'as joué dans un film de genre qui s'appelle, excuse-moi, pardon, Rokia. Rokia, ouais. Voilà, avec entre autres Goldshifté et Farhani. Comment tu t'es retrouvé sur un truc comme ça? Parce qu'en plus, t'as pas joué dans beaucoup de films. J'ai pas joué. T'avais fait Brutus versus César, oui, quand même. Voilà. Brutus versus César, c'est un happening. Il y a tous les humoristes de Paris sont allés faire un happening. Non, dans mais c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est la première fois qu'on te voit dans un film au cinéma comme ça. Oui, parce que ça a été longtemps une volonté, parce que comme j'ai travaillé longtemps pour imposer mon style différent sur scène, avoir quelque chose d'assez iconoclaste, et j'ai dû me battre pour imposer ce style-là, et donc j'ai réussi à l'imposer maintenant. Et c'est vrai que on est venu me chercher au départ pour le cinéma. C'est pas le cinéma qui m'a boudé, c'est moi qui ai refusé beaucoup de choses parce qu'on me proposait des comédies qui n'étaient pas forcément pas bien, hein. C'est pas une critique, mais c'était des comédies très lisses. Et je me disais, je peux pas arriver dans l'humour, je peux pas en fait avoir imposé ce que j'ai fait sur scène là et arriver dans des comédies trop lisses ou qui défendaient. Tu vois, on m'a proposé des fois des comédies qui se valaient, qui entre guillemets, qui pouvaient défendre des sujets même que je pouvais défendre sur scène, mais de manière tellement avec plein de bons sentiments, je disais, je peux pas dire ce que je dis sur scène et après aller faire un rôle où je dis l'inverse pratiquement de ce que j'ai dit sur scène. Donc du coup, je me suis dit, j'attends un peu parce que on finira par proposer des comédies sombres ou alors j'écrirai ma propre comédie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis en financement de mon film. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, je me suis dit, je préfère attendre parce que j'aimerais qu'on vienne me proposer des rôles plus sombres et des rôles plus dramatiques parce que j'estime aussi être et avant tout un comédien, un acteur. Donc, je me suis dit, on finira par venir me chercher pour des choses plus dark. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à rencontrer un peu les gars de Courtrage-Mé avec qui j'ai sympathisé, notamment Saïd Beltibia, qui est le dernier, on va dire, des quatre. C'est Hakim Chapiron, Romain Gavras, Ladj. Et donc, Saïd, c'est le dernier des quatre. Et donc, il y a quelques années, il est venu me voir pour me proposer de jouer dans son premier film. Donc, le premier film, ça devait être la comédie qu'on a finalement coécrite parce que lui, il voulait faire une comédie. D'accord. Mais une comédie, voilà, avec un univers bien particulier. Donc, on a eu une idée qui rassemblait un peu nos deux idées, donc, qu'on a écrit et qu'il a donc est en financement. Sauf qu'entre-temps, lui, il a eu le financement pour ce film Rokia, qui est un film très, très court-trajmé, quoi, qui parle du maraboutisme en cité, joué donc par Golshi Farahani. Alors, ils ont obtenu cette actrice parce que c'est court-trajmé et qu'ils ont du réseau. Et que... Donc, moi, on me dit. Ouais, bah, c'est une actrice incroyable. Ouais. C'est incroyable, renommée internationale. Donc, pour moi, si tu veux, premier rôle au cinéma. Et donc, Saïd me dit, est-ce que tu veux jouer le second rôle du film? C'est son mari. Je dis, le mari de qui? Il me dit, bah, de l'actrice. Je dis, mais c'est qui l'actrice? Il me dit, c'est Golshi Farahani. Je dis, putain. Je suis d'accord. Et donc, je suis hyper content parce que du coup je démarre au cinéma dans un rôle complètement à contre-emploi de ce que je fais d'habitude. Là on m'a proposé un autre rôle et je suis très content parce qu'on me repropose encore, là cette fois-ci, un rôle encore plus gros sur un film encore assez décalé, encore un petit peu à contre-pied, donc c'est parfait pour moi. Et à côté, moi je vais partir financer ma comédie. Mais après, si tu me proposes un truc dans une comédie et que mon rôle à moi, parce que en vrai c'est ça, c'est plus ça, tu vois. Là par exemple, je sais que Bernie, mon voisin, bon, il a pas eu le financement du film, mais il m'envoie un scénar et il me dit, j'imagine deux rôles pour toi. Et je disais, mais les deux ça m'éclate de les jouer, et les deux c'était pas des gros rôles. Donc je cherche même pas des gros rôles, je m'en fous. Je veux juste que ce que tu me donnes, une cohérence avec ce que tu es et ce que tu, et un challenge au moins de comédien, tu vois, un truc où j'ai quelque chose à défendre. Et là c'est vrai qu'on m'a souvent proposé des rôles qui était soit l'histoire était un peu trop lisse pour moi, soit le personnage, je me disais, en fait tout le monde peut faire ce personnage, alors c'est juste pour avoir mon nom, parce qu'on se dit c'est cool, il est un peu connu et tout ça, mais ça m'intéressait pas trop, voilà. Mais je suis toujours très ouvert au propal, tu vois, je lis tout ce qu'on m'envoie, je prends toujours du temps, je suis toujours flatté quand on pense à moi. Mais voilà. Ok, Adrien, toi tu pourrais, parce que c'est vrai que t'avais fait Anticorps 2, où c'était plus de l'action, un peu plus autre chose. Ouais. Non, mais en tout cas, pas comédie. Tu fais pas de blagues dans ce film. Non, oui. Y a... T'es un peu ridicule. Non, mais je veux dire, par rapport aux autres persos, je suis pas dans un rôle d'action. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un passage de comédie pure. Non, est-ce que toi, ça. J'ai déjà parlé. Il y a la scène du pont où c'est un peu. Oui, voilà. Où il y a de la ganache. Mais ça pourrait t'éclater, toi, de faire un truc complètement hors comédie. Bah, ouais, carrément. Après, je suis pas. Je sais pas si je serais. Enfin, je pense pas que j'ai eu un panel d'acteurs immense et tout. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment la comédie mon truc. Mais dans Fantasme, ceci dit, il n'y avait pas spécialement de comédie. Oui, mais tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, je me vends hyper bien, c'est cool. Ouais. Non, mais c'est très difficile de savoir. Comme Jérémy dit, je trouve que c'est hyper. Son histoire, elle est hyper intéressante parce que c'est correspondre à quelque chose qui est ta vibration. Ouais. C'est même pas de dire je veux faire ci ou ça. C'est juste d'attendre. Et je trouve que, tu vois, t'as un super rôle qui arrive et tout. Et t'as eu la patience, le truc, de te dire bah non, tant que je sens pas que ça vibre pour moi. d'avoir la justesse, parce que se projeter dans un film, tel ou tel film, en fait, c'est jamais parce que c'est un projet, et en même temps il y a ce que toi tu vas apporter dedans, et puis, tu vois. Et puis honnêtement, moi je critique pas les copains qui le font, hein, mais moi travailles assez à côté pour te permettre en fait, aussi ça aussi, j'ai pas besoin d'argent, oui, tu vois, oui, donc du bien coup sûr, et c'est le, un choix, hein. Et le, et le, et même le, même si le cinéma c'est très bien payé, si ça a pas, ça change pas ma vie, donc en fait déjà j'ai pas besoin de ça, et même si j'en avais besoin, je veux dire, même à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a proposé des trucs nuls et j'avais rien, j'avais même pas de quoi payer mon chauffage, j'ai quand même pas accepté. Moi je peux pas me lever le matin, moi j'ai des potes des fois qui jouent dans des trucs, je me dis mais comment ils font, c'est-à-dire que moi je vois des fois on m'envoie des scénars, j'ai envie de mourir quand les lisant, et je sais que c'est bien payé, que ça va être très bien produit, etc, etc, mais je me dis je peux pas, je veux pas me lever 40 jours dans ma vie en me disant je vais aller jouer ça, quoi, j'ai envie de mourir, tu vois, donc il faut aussi être cohérent avec qui on est. Puis dépend, après ça dépend aussi des rencontres. C'est vrai que je connais pas ton histoire par rapport à Bref, mais j'ai l'impression que quand ils décrivent ton personnage, ils te connaissent, ils se disent ça, elle va être super là-dedans et tout. Ça c'est assez chouette aussi. Bref, c'était une histoire de rencontre. On connaissait le travail des uns et des autres, mais on traînait ensemble. On avait aussi beaucoup d'amitié les uns pour les autres. Et oui, non, les garçons, ils ont vraiment. J'étais hyper touchée. C'était écrit pour moi, quoi. C'est donc ça. C'était un beau cadeau. Moi c'est ça, je trouve aussi, j'ai l'impression moi j'ai pas une très grande expérience dans ce milieu là mais j'ai l'impression que les gens écrivent pas tant que ça pour les gens, en fait. Non, j'ai l'impression que ça se perd un peu, alors que quand tu lis des interviews, je dis pas que c'était mieux avant, hein, mais quand tu lis franchement à l'époque comment c'était le fait d'écrire pour des gens, je trouve ça quand même assez chouette, et je trouve que la personne qui le lit le sent souvent. Mais moi pour le coup, la comédie que j'ai écrite, je savais très bien au départ, je savais très bien qui je voulais. Ouais. Et j'ai écrit en pensant à ces deux personnes. Parce que c'est un film choral que j'ai écrit, c'est une comédie d'aventure. J'avais en tête le mec et la fille. Et j'ai Adrien appelé... et Bérangère. Plaisir de pouvoir le dire aujourd'hui. Quand ça me soulage parce que je tenais ça depuis le début, c'était dur. Et quand j'ai appelé le comédien, je savais qu'il acceptait le rôle parce que je lui avais pitché dès le départ. Il m'avait dit vas-y, je te suis et tout, machin. Et la comédienne, elle savait pas du tout que j'avais pensé à elle. Donc moi, j'ai écrit tout en pensant à elle. Et quand je lui ai envoyé le scénar, je lui ai dit. Elle me dit putain, je t'aime tellement, j'espère que je vais aimer. Parce que elle se dit putain, si j'aime pas. Et je lui dis, je te rajoute pas de pression, mais si tu dis non, je vois vraiment pas à qui je peux proposer. Parce que je l'ai vraiment imaginé avec elle dedans, quoi. Donc quand elle m'a dit oui, j'étais tu vois, tellement content. Mais moi, je sais, moi en fait, quand j'écris de l'humour, j'ai besoin d'avoir une mélodie dans la tête, d'avoir un phrasé dans la tête. Et donc du coup, c'est de la musique pour moi. Je me dis pas, j'écris pas le film en me disant tiens, j'ai envie de le faire avec elle. C'est juste que le personnage ou avec d'un lui. D'un coup, t'entends personnage, sa voix, nana, son putain, flow et tout. Et du coup, après, j'imagine que la personne dedans. Enfin, pour l'instant, c'est le premier film que j'ai. Enfin, non, c'est le deuxième. Mais le en tout cas, j'ai toujours fait comme ça, quoi. Et tu te serais pas vu réécrire pour. Non, t'avais aucune autre actrice en tête. C'était plus des seconds rôles, mais moi ça m'est arrivé d'écrire en pensant à quelqu'un. Malheureusement, ça ne se fait pas pour des raisons d'agenda ou aussi des gens qui aiment pas, hein, ça arrive. Et du coup, je réécrivais pour quelqu'un d'autre. Si, voilà, je pense que si cette actrice m'avait dit non, je pense que j'aurais fait des castings, avec des comédiennes que j'aime bien, en me disant peut-être elle, ça peut matcher, mais je pense que j'aurais quand même réécrit un petit peu bien le rôle avec la mélodie de la personne. Et surtout dans l'humour, chaque humoriste a sa propre mélodie. Bien sûr. Donc tu peux pas en fait calquer. Et je pense qu'il y a beaucoup de comédies qui parfois sont pas bien, justement à cause de ça. Parce qu'en fait, quand t'écris un texte neutre, ça ne marche pas, parce qu'à la comédie, c'est un clown. Donc si n'importe qui peut jouer le texte, il y a quand même un souci. Alors il y a certainement des contre-exemples, hein. Y a, tu vois, le Dîner de cons, je pense que ça a été joué par plein d'acteurs différents, que c'était toujours drôle, tu vois. Il y a certains contre-exemples, mais c'est plus du théâtre que. Et ceci dit, le Dîner de cons, il a quand même gardé Villeray, qu'il avait joué des centaines de fois au théâtre, et voilà. Donc, l'essence du perso, quoi. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, c'est intéressant parce que je trouve que le cinéma, t'as tellement de difficultés, tellement de. T'as une idée, t'écris quelque chose pour quelqu'un. Ensuite, il y a le financement, tous les trucs, là, toutes les galères. Les dispos. Après, les dispos. Ouais. Et la personne te dit non. Et parfois, je trouve qu'il y a des castings où, des fois, tu te dis putain, il n'y a pas eu machin, mais il y a eu. Et puis finalement, c'est comme un peu les histoires d'amour. Tu te dis, bah finalement, ça s'est pas fait, mais il y a autre chose. Et c'est beau aussi, accepter aussi ce qui se passe, que la vie te propose. Tu vois, là, t'as écrit tous ces faits. Et du coup, c'est juste. Mais peut-être que si on t'avait dit non, t'aurais refait autrement. Et ça se serait fait aussi, tu vois. Au départ, pour être totalement honnête, le film au départ, c'était dans les trois personnages, c'était trois garçons. Et il y en avait un, c'était Guillaume. Et on part en financement du film. on a une première version qui plaît. Donc on a la première étape, hein, c'est d'abord une chaîne privée, ensuite un distributeur, ensuite une chaîne publique, etc., etc. Donc on est sur la première étape, ça se passe bien, et Guillaume décède. Et là, moi, sur le moment, je me dis, c'est impossible de réécrire d'adapter le rôle pour quelqu'un d'autre. On y a pensé, tu vois, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, bon, déjà, t'as la tristesse, donc déjà, c'est compliqué, parce que pour réécrire pour quelqu'un, la personne, elle n'a pas refusé le rôle, elle est décédée. Donc, c'est quand même pas le même délire, ouais. quand tu dois réécrire et adapter tout. Et en fait, c'est un des producteurs au début qui me dit et pourquoi pas une fille à la place. Et en fait, ça m'a tellement vénère. Non, ça m'a vénère au début. J'ai dit, mais comment tu peux, en fait, avec un texte que j'ai mis tellement de temps à écrire, comment juste tu peux me dire mets une fille à la place. Tu vois, en fait, ça m'a, au début, j'ai rejeté l'idée, mais tellement fort. Je dis, mais c'est pas si simple, quoi. Ouais. Sauf que du coup, l'idée, elle est restée dans ma tête, tu vois. Et je relis le film avec le même rôle et j'imagine une femme à la place. Et je dis, mais putain, en fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est mieux. Ouais. C'est horrible, mais c'est mieux. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis en place sur ce personnage, alors ça changeait complètement le contexte, parce qu'en vrai, j'ai switché les deux rôles. Donc, c'est pas une fille qui a remplacé le rôle de Guillaume, c'est le mec, le premier comédien qui a pris le rôle de Guillaume et qu'on a changé le rôle. Et j'ai inversé, j'ai mis la fille à la place du mec. Donc, c'est pas la fille qui a remplacé Guillaume. Et par contre, en switchant ce truc-là... T'as gagné. Mais tellement fort. C'est-à-dire que tout ce qui était déjà original devenait encore plus original dans la bouche d'une fille. Ouais. Et très vite, j'ai eu l'actrice en tête. Et en fait, j'ai pu réécrire et adapter le film en 2 semaines, je pense. Ouais, toi, t'as déjà eu ça. Ouais. Mais c'est un truc que m'avait dit un acteur, moi, qui avait pour le coup refusé mon film. Donc sur le moment, pareil, j'avais eu un rejet. Il disait, mais tu sais, les films, ils doivent se faire avec les gens avec qui ils doivent se faire. J'ai fait oui. J'ai pas dit ça exactement. Non. Mais j'avais envie de dire au gars, oui, bah, mais oui, c'est facile à dire quand tu te casses. Hein, tu vois. Sur le moment, tu dis, bon, bah, je vais perdre mon financement, je vais jamais faire le film, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, il avait raison, effectivement. Aujourd'hui, le film a gagné. Enfin, je n'imagine même plus vraiment le film avec ce comédien-là. Donc, voilà, je suis sûr que pareil, il y a des contre-exemples terribles de gens qui disent non, moi, vraiment, l'acteur que j'avais prévu, ça aurait été vraiment mieux, etc. Moi, mais, j'en connais pas beaucoup. Je connais beaucoup d'histoires de. Beaucoup entendu. Finalement, c'est ce qui devait se faire, c'est fait, quoi. Ouais, moi aussi. J'ai une dernière question pour vous. Et après, on passera aux recommandations culturelles. Un professeur a fait scandale au Canada, alors rien de glauque, hein, je vous rassure, mais il a quand même fait un truc un petit peu abusé. À votre avis, quel truc? Attends, j'ai pas écouté la question. Je comprends, on a changé vite de sujet. Un prof a fait scandale au Canada. Ouais. Il a pas touché sa bite, ok. Non, mais il a quand même fait un truc un peu abusé. Il a fait, alors, un mais peu attends, abusé dans quel domaine? Blackface? Non, pas Blackface. À la cantine? Parce que non, peu, pas à la cantine. Très abusé. Oui, non, mais il a volé de la poutine. Non, il a rien volé. Alors, il a rien avec le Canada. Il a invité Poutine. Il a invité Poutine. Ouais, ce qui est un peu abusé. Ce qui est un peu abusé quand même. Est-ce que c'est dans sa méthode d'enseignement qu'il a fait un truc et c'est genre bon, non, c'est hors cours, mais c'est lié à son enseignement. Attendez, déjà, parce qu'on dit abuser dans quel sens? Abuser dans le sens sexuel? Non, il a abusé, mais ça craint ce qu'il a fait. Ça craint ce qu'il a fait, mais pourquoi? Rien de sexuel. Parce que c'est choquant. C'est parce choquant. Que ça se fait pas trop. Parce que c'est choquant. C'est pas choquant. En tout cas, il a rien fait aux élèves. Il les a pas touchés, violentés, insultés. C'est un rapport avec la scolarité ou c'est le professeur non, chez non, lui non. Il a c'est fait lié aux élèves. Il leur a manqué de respect d'une certaine manière, mais pas directement. Est-ce qu'il leur a mis tous la même sur note sur Internet? C'est lié à Internet. Il leur a pas tous mis la même il note. Il a fait une vidéo en expliquant que tous ses élèves amis étaient proches nuls. Et en fait, c'est pas amis proches. Il y a eu un truc. Pas, il fait du stand-up et il vanne ses élèves. Alors, ah, je sais. Il a montré la copie de ses élèves en se foutant de leur gueule. Alors non, mais ça, moi, des profs, ça faisait. Des profs. Non, mais ça, il y a des comptes Twitter vraiment dédiés à ça et ça me rend fou. Les perles du bac qui faisaient rire tout le monde à une époque. Ouais. Tu disais, oui, bah vous vous moquez juste de gens qui ont pas la bonne réponse, quoi. Ouais. Genre, regardez le débile, il s'est pas placé l'Amérique du Sud. Bon, oui, bah, c'est ta faute, un peu ta faute. C'est un peu, t'as mal fait ton taf, malheureusement. Non, mais on est autour de ça. En fait, il y a une question que vous posez pas, qui vous donnera, je pense. Les enfants ont quel âge? Alors, non, les enfants sont en bas âge. C'est un prof imaginaire? Non. Non, c'est un vrai prof. Il est tellement chou. C'est Dumbledore. Il est tellement chou. Hein. On a envie de le choper la petite joue comme ça. Non, je vous ai dit un prof. Un prof. Vous pourriez demander un prof de quoi? Un prof de sport. Peut-être vous pouvez trouver le prof. Maths. Pas maths, pas histoire français, géo. Philo. Pas français, attends, c'est au Canada. Ça ne changera pas grand-chose. Chasseur de caribou. Ouais, c'est ça, ça que tu veux dire. Non, mais pas prof de français, du coup. Enfin, si possible, mais. Comment si. Non, bio. Pas SVT. Techno. Français. Alors, bah, à Toronto, il y a moins de chances d'avoir un prof de français. Oui, anglais, espagnol, italien. Non. Putain, vous l'avez pas encore. prof de SVT. Non, SVT. Attends, ça histoire pas géo. Pas maths, pas histoire géo, pas français. On a tout dit là. Non, il y a mon cas. Attends, c'est un truc qu'on a chez nous. Éducation civique. Celui que mon père n'a jamais compris que c'était une vraie matière. Ah, art plastique. Voilà. T'as senti ça dans mon éducation tout de suite. Il a posé nu. Non, je sais pas. Ah, c'est un peu abusé. Un peu abusé. Ouais, non, mais après, tu peux dire, bah, c'est de l'art. Enfin, c'est non, pas non, non. Sexuel. C'est, alors, c'est moins abusé, des... mais c'est un peu. Ah, est-ce qu'il a pris les œuvres de ses élèves, il a fait l'exposition, il a gagné l'argent sur leur dos. Alors, exactement, oh, wow. En étant encore plus horrible que ça, puisqu'il a dit, je revends les dessins moches de mes élèves. Oh, donc c'est un peu dans le délire de ce qu'on disait, mais c'est en plus ça. C'est fait de la thune. Et en plus c'est fait de la thune. Au Canada, des parents ont fait une découverte choquante. Ils ont trouvé les dessins de leurs enfants mis en vente sur un site internet. Oui, parce que les décès, c'est ouais, ouais. C'est là vraiment. C'est plus du tout la même anecdote. Enfants, ouais. Là j'aurais dit c'est très abusé. J'aurais pas dit un peu abusé. Et qui achète ça un prof d'art plastique de la Westwood High School, un collège d'enseignement en langue anglaise, comme quoi, bonne question, situé près de Montréal au Québec, vendait les œuvres de ses élèves. Les élèves et leurs parents ont découvert des petits trafics de l'enseignant. Il essayait de voir si l'homme avait un site internet exposant ses propres travaux intitulé Creepy Portrait Art, portrait effrayant. La série d'œuvres à vendre contient près d'une centaine de dessins. Leur nom fait à chaque fois référence à l'élève qui l'a réalisé. Marina's Creepy Portrait, Jolene's Creepy Portrait, etc., etc. C'est génial. Et le pire, les dessins sont ensuite imprimés sur divers supports comme des tasses, des t-shirts ou des coques de téléphone portable. Il fait du merch. C'est exactement. Trop drôle. Les prix varient entre 30 et 150 dollars. Oh. Aujourd'hui encore, beaucoup d'œuvres sont affichées sur le site, mais il n'est plus possible de les acheter. Le prof a été licencié, mais des parents, choqués et parfois vexés, j'ai bien aimé cette petite précision, veulent l'attaquer en justice. Très marrant. Ça me fait poser une question. Est-ce que vous réagissez comment à la critique, par exemple, toi Bérangère, est-ce que tu es quelqu'un qui peut aller voir ce qu'on dit de tes spectacles et ça peut te foutre mal, ou est-ce qu'au contraire toi t'es plutôt tendance à dire la critique, il y a du bon à en tirer, on peut peut-être avancer, comment t'es vis-à-vis de ça? Comment je suis? C'est une grande question. J'ai pas fait de, enfin, dans les sujets que j'aborde, enfin je mets pas un pied dans, enfin tu vois, oui. Je parle d'amour et tout, donc généralement je crée pas un engouement entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est bon, pas très polarisant, tu vois, il y a un truc où c'est pas très polarisant, mais ça m'arrive de, ça m'est arrivé mais assez peu en fait, donc du coup quand c'est vraiment un séisme dans ma vie, je suis là mais quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais tu peux avoir des gens qui disent oh, j'en sais rien du tout d'ailleurs, mais oh, j'avais bien aimé tel spectacle, j'ai moins aimé ça, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui peuvent te toucher? Non, la critique constructive, non. D'accord. C'est la critique gratos, là où, bon, comme tout le monde, hein, c'était là, mais à ce point-là, vraiment, dans ta vie, j'ai cet impact. Ouais. Mais non, critique constructive, non, je suis à l'écoute, mais ça dépend de quel moment, moi. Ouais, bah, tu parles de la critique internet ou la critique autour de dans ton entourage? Ah non, moi j'étais plutôt sur celle du public directement. Ah, du public. Non, l'entourage, moi je trouve que ça va. Quand l'entourage se permet de reprendre important. Des trucs que t'as fait, oui voilà. Non, mais moi, c'est important ça, d'avoir ça plutôt c'est un bienveillant. Bon équilibre à trouver. Je trouve que ça fois, plutôt. Too soon. Sors de scène. Et puis là, si c'est vrai, et si c'est vraiment des gens proches, tu peux aussi leur dire oh, pas maintenant. Oui, tu oui, oui. Tu me débrieferas demain. Mais c'est intéressant d'avoir des gens qui sont pas forcément d'accord avec. Moi je pense que c'est important. Donc vraiment moi ça dépend de l'heure de la critique. Non je parlais vraiment. Coucou, par rapport c'est l'heure de la critique, faudra un jingle que je sois au fait après que le petit déj voilà, après... voilà. Non mais moi je parlais plutôt sur internet, c'est mais vrai j'en ai que... pas beaucoup non, enfin, ça pardon va. Mais je ouais bah non mais je pense que les gens qui m'aiment pas ils prennent pas le temps de me le dire. Oui mais tu vois moi par exemple je suis ça peut vite me mettre mal. Bah oui, mais c'est des petits trucs, c'est juste te dis moi juste des gens qui disent un peu déçus de tel truc dans le dernier épisode ou je sais pas quoi. Je peux alors ah merde putain tu sais ça me fait un peu chier tu vois la personne n'a pas voulu me détruire ou mais t'en tires pas forcément leçon de ce que j'écoute moi. Mais parce que t'arrêtes pas de me comparer à Ruquier, moi je te dis j'ai pas la carrure de Ruquier voilà. Non mais oui si bien sûr que ça ça touche, tu te dis ouais et puis tu vois là je fais c'est le troisième spectacle donc t'as le premier bon bah c'est le premier après tu fais le deuxième t'as un peu peur ça va tu passes le truc le troisième tu te dis attends t'en as deux avant en fait t'en as plus avant qu'après donc du coup tu te dis t'as, ils peuvent aimer les deux premiers mais le troisième moins donc il y a une espèce de pression qui se met un peu comme ça. Et puis il y a l'effet de comparaison surtout. Oui. En fait. Ouais, bien sûr. Toi, pareil, entre les épisodes, du coup, tu peux comparer. Et ça, j'aime pas trop la comparaison, moi. De ton propre travail. Ouais. Ouais. Moi, je peux comprendre. Jérémy, toi, t'as ça. Comment tu réagis vis-à-vis de la. Bah, je réfléchissais là pendant que vous parliez et. T'écoutais pas ? Si, j'écoutais. Mais non, mais Moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que pour le coup, les sujets que j'aborde génèrent énormément de polarité. J'ai fait la religion, la géopolitique. Tu vois, encore hier soir, il y a Vente de pièces à Beyrouth qui est passé sur une chaîne. Tu vois, où je fais 30 minutes sur le conflit israélo-palestinien. Donc, je vais pas dire que ça met tout le monde d'accord. T'es dans le thème. Donc voilà. Donc moi, je suis sur des thèmes comme ça. Qui sont très compliqués. Je vais vraiment. Mais le prochain est sur les soldes, ceci dit. Ça, c'est quand même cool de ta part. Mais la caissière là, de Auchan là, qui s'est dégolée, elle est déjà pas contente. Non, mais donc après, t'as déjà la première critique, t'as les gens qui sont pas d'accord avec ce que tu dis. Alors, moi, j'essaie d'être le plus neutre possible. Ouais. Mais t'as quand même des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, ça, entre guillemets, je vais pas dire que je m'en fous. Mais. Tu perds pas de temps. Un peu quand même. Après, t'as les gens aussi qui comprennent pas ton humour. Tu vois, là, par exemple, hier soir, il y a un mec qui me dit, parce que dans Vente de pièces à Beyrouth, tu sais, j'ai écrit le spectacle et deux mois après, c'était deux mois après l'attaque du Bataclan. Et j'avais un spectacle sur la géopolitique qui s'appelle Vente de pièces à Beyrouth et les attentats. Donc j'étais obligé de traiter les attentats du Bataclan. Donc c'était une vraie. C'était très compliqué. Vous êtes tous auteurs, etc. On comprenait bien ma position. Bien c'est que j'ai un spectacle sur les attentats. Deux mois après le Bataclan, je joue à Paris. Je suis au Trianon. Donc il faut que je traite le sujet. Donc j'ai réussi à traiter ce sujet. Je l'ai fait à ma manière parce que je fais de l'humour noir et de la provoque. Donc je me suis dit, j'y vais à fond. En fait, le seul moyen d'arriver à faire passer ce truc, c'est d'y aller à fond. Et c'est l'un des trucs qui a le plus marqué les gens dans Vente de pièces à Beyrouth, c'est que j'ai réussi à faire rire des gens en allant le plus loin possible sur tout ce qui s'était passé au Bataclan, en faisant des vannes sur les victimes et sur machin et tout, en allant très très très très loin. Bon, par exemple, tu vois, c'est marrant parce que qu'on parle de ça. Regarde, si je prends, j'ai reçu il y a pas très longtemps. Un message sur Instagram, je vais pas dire son nom, elle s'appelle, enfin je peux dire son prénom, je pense, elle m'en voudra pas, elle s'appelle Maggie. Elle me dit: bonjour Jérémy, juste pour vous dire que je suis une rescapée du Bataclan et que c'est vos sketchs sur ce thème qui m'ont aussi aidé à soigner mon traumatisme, merci, au plaisir de vous revoir sur scène. Bon, alors que sur scène j'y vais très très fort, mais le but de tout ce que je fais, c'est ça. C'est ma manière à moi de rendre hommage. Je ne suis pas peintre, je vais pas peindre Guernica, tu vois. Donc moi je fais de l'humour noir. Donc ma manière à moi de dire je pense à vous et je suis avec vous, c'est de traiter le sujet. Et je fais 20 minutes là-dessus. Bon, hier soir le spectacle repasse à la télé. Il y a un mec qui m'écrit: tu t'es vraiment pas mis à la place des victimes, moi à la place des victimes, machin, nanana. Bon, il y a eu un commentaire sur 450. Je m'en fous, je l'ai pas mal pris. La seule chose que j'ai envie de dire à cette personne, c'est tu te trompes. La preuve, c'est le message que je reçois de Maggie. Donc, du coup, avec le temps, ça, j'ai appris à m'en foutre aussi. Les gens qui me disent oui, machin. Tu sais, déjà, les gens, ils supposent que tu n'as pas vécu des choses. C'est-à-dire qu'ils ils partent du principe, ceux qui ne comprennent pas ton humour, ne comprennent pas que tu fais de la dénonciation et du soutien, ils pensent que tu n'as pas souffert. Le jour où ça t'arrivera, tu ne sais pas du tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Si tu crois que j'ai perdu personne du cancer, que je n'ai pas vécu de drame, de traumatisme, peut-être dis-toi que si je traite tous ces sujets, c'est parce que parce que je suis sensible et peut-être parce que j'ai vécu une grande partie de ces choses. Et après, pour aller sur quelque chose de plus léger, donc tout ça, j'ai appris vraiment à faire abstraction, je m'en fous. Et après, il y a la vraie critique. La vraie critique, c'est quelqu'un qui t'aime, qui te dit ce spectacle m'a moins fait rire, ou ce sketch m'a moins fait rire, ou ça m'a déçu de quand tu as dit ça, j'ai été un peu déçu parce que je pensais que ça peut un peu plus me toucher. Parce que je me dis, putain, c'est quelqu'un qui m'aime, qui me dit presque un truc pour m'aider, quoi. Donc je me dis, putain, ça peut plus me toucher. Le reste, les insultes, les menaces, les machins, tout, franchement, j'en ai pratique. Et honnêtement, t'en as pas tant. Mais pratiquement jamais. Tu vois, le spectacle hier, il est passé sur une chaîne. J'ai eu un message. Message-là, c'est tout. Sur 200 ou 250 qui me dit génial, on a passé une trop bonne soirée. Donc j'en ai vraiment pas tant que ça. Et c'est ce que j'allais te dire. En plus, j'ai pas à l'excuser ou l'expliquer, mais je comprends presque la démarche d'un gars comme ça qui en fait peut-être est tombé dessus. Enfin, tu vois, il a pas spécialement demandé à te voir ou je sais pas quoi. Bien sûr. Donc il le fait. Donc je comprends que t'en aies rien à foutre parce que tu te dis, c'est pas des gens qui sont venus dans ta salle, qui ont vu tous tes spectacles, tu vois. Si lui il trouve ça choquant, c'est qu'il te connaît pas bien. Enfin, tu vois, j'imagine. Oui, surtout qu'il a écrit, t'as vraiment pas de cœur, espèce d'enculé. moi, si je te crois, je te défonce la gueule. Donc, on n'est pas sur quelqu'un. Et, voilà. et après, il a réécrit un deuxième message sur un autre sujet, qui était encore un autre truc. Et là, il a redit la même chose. Donc, en fait, on était peut-être limite même juste sur un troll, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens pensent qu'effectivement, je peux avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces ou beaucoup de machin, et en réalité j'en ai pratiquement jamais. En fait, plus j'avance et moins j'en ai, parce qu'en fait déjà je pense que je conquiers de plus en plus de gens, parce qu'il y a aussi des gens qui disent ah ouais tu tapes sur ce sujet, mais le jour où tu taperas sur ce sujet là on verra si t'as vraiment des couilles. Puis en fait en découvrant mon travail, ça s'aperçoit qu'en fait je l'ai fait 99% du temps. Quand tu me dis t'as parlé de ça, mais t'as jamais osé parler de ça. 99% du temps, j'en ai déjà parlé. Tu vois, ouais, c'est juste que toi, tu l'as pas vu. Ouais. Donc, du coup, avec le temps, en fait, ça s'est lissé. Puis maintenant, les gens, je me dis, oh, de toute façon, il est déjà depuis 15 ans, ça y est. Enfin, voilà, on le sait. Il est là. On va pas le changer. Non, hein. Mais même les duos impossibles, tu vois, on parle souvent des duos impossibles. Ou Bérangère est venu d'ailleurs. On va très loin. Que, non, moi, je pense que t'as quelque chose, Jérémy, c'est que t'as été très vulnérable dans tes interviews et t'as parlé beaucoup de toi et de ce que t'as traversé. Ce qui fait que, pour moi, il y a beaucoup de gens qui l'entendent et qui te découvrent. Et c'est ce que je parlais comme dans un dimanche à la campagne. Quand t'as accès à ça de quelqu'un, et c'est la vulnérabilité pour moi, c'est la plus grande puissance. Mmh. Et quand t'offres ça aux gens, tu n'es plus, on n'a pas envie de te menacer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est que ce cadeau que tu fais. Et la façon dont t'en parles, et que je trouve toujours admirable et juste, tu vois, tu traites le sujet, tu te regardes pas le faire, c'est juste tu te poses là pour partager, tu vois. Et cette vulnérabilité-là, elle fait pour moi, elle explique pourquoi tu n'as pas du tout de... Tu ne reçois pas parce qu'en fait, si les gens... Tu vois, la vulnérabilité, on croit toujours que c'est être fragile, mais en fait, c'est être tellement open que qui va t'attaquer ? Oui, personne oui, n'attaque pense la vulnérabilité. Effectivement, tu as raison. Tu vois je pense ce que je veux dire de montrer, de savoir aussi, et puis de d'où je viens. Tu vois, la dernière fois, il y en a un, il m'écrit, il m'écrit, ah bah, ce que. Mais je sais pas quoi, je sais plus, je sortais d'une émission, je sais plus ce que j'avais fait, et il me dit, ah bah on voit vraiment que toi t'es né avec une cuillère en or dans la bouche. Alors déjà je dis, c'est une cuillère en argent qu'on dit. et vraiment, c'est vraiment que tu sais pas du tout, enfin, je veux dire, oui. Tu sais pas du tout d'où je viens. Ouais. Donc après c'est ça aussi, c'est que je pense que le fait il qu'il a vu sache... Ferrari dans le nom, il dit, oh, ça doit être riche. Non mais c'est une voiture qui coûte cher ça. Et en réalité je pense que tu as raison, c'est que mes interviews aussi, au fur et à mesure du temps, d'avoir raconté d'où je venais, ce que j'avais vécu, ce que j'avais traversé, si tu te protèges davantage. Et que t'es juste, tu vois, en train, tu traites des sujets de manière dure d'un an, et que toi, tu ne t'offres jamais. Là, il y a plus de gens que ça peut exciter. Et souvent, tu vois, c'est de la méconnaissance. Les gens ne te connaissent pas. Ils se disent, oui, qu'est-ce qu'il fait ? Mais tous les gens qui te connaissent, ils comprennent, on est OK, tu vois. Ouais, tu as raison. Puis moi, c'est hyper beau, quoi. Mais moi, en tant que spectateur, d'ailleurs, je suis plus sensible à ça. Je me rends compte que, tu vois, tu prends je vais vous comparer deux humoristes américains, il y a Bill Burr et Ricky Gervais. Ouais. Et ben moi, je suis beaucoup plus touché par Bill Burr, qui parfois va très très loin, parce que je trouve qu'il. Il parle un peu de lui, du coup il me donne des clés, et du coup je trouve ça, je sais pas, il m'accompagne plus facilement qu'un Ricky Gervais qui sur les derniers spectacles m'agace un peu plus parce que c'est, ah regardez j'ai raison, et puis ah, ça vous aimez pas quand je dis ça, et ben je leur dis, et tu fais oui bon allez t'es super, et enfin tu vois Bill Burr il se remet en question un peu, mais c'est ça, rien. C'est quand ça. Il dit un truc il l'assène pas comme une vérité, il dit bon ouais. Après je suis un gros con donc j'ai sans doute tort et tout, c'est ça. Voilà, ça fait pas du tout. Mais on arrive dans une époque aussi où ça va être on arrive dans des choses beaucoup plus nuancées. Tu vois, et la surface d'avant qui était nos parents, tu vois, et qu'est-ce que vont dire les gens, tu vois, ce truc de jamais dire ce que tu ressens, etc. Je pense que c'est en train de s'éteindre, on travaille sur nous, on comprend, on peut dire, bah voilà, j'ai traversé ça, qu'est-ce que j'en ai tiré. Enfin, tu vois, c'est un. Et il faut se battre pour la nuance. Ouais. Parce que la non-nuance, c'est la mort de la liberté d'expression. Ouais. On oblige trop les gens à dire pour, ou contre, noir, blanc. Tu peux même pas réfléchir, c'est-à-dire que si tu dis rien, alors on te met immédiatement dans une case. T'as rien dit, ça veut dire que ça. Mais non, il y a aussi des gens qui ont besoin de réflexion. Tu vois, je sais que même moi maintenant dans les interviews, je m'autorise, quand on me pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse, je m'autorise à dire je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Moi aussi, ça, c'est important. Mais ça manque. Ah ouais, ça, c'est trop bien. Et c'est pas. Ouais, ouais. Et, ah oui, donc si vous le dites pas, c'est parce que. Non, en fait, n'interprète pas mon silence. Ouais. J'ai juste le droit de te dire, je ne sais pas, en fait. Ouais. Il y a des sujets, moi, je me dis, putain, c'est vrai, je sais pas vraiment ce que j'en pense. Il y a un peu de pour, un peu de contre. Je ne suis pas posé la question. Je suis pas la bonne personne pour en parler aussi. Où je connais pas tous les tenants et les aboutissants du truc, tu vois. Donc ça fait, c'est important en fait d'être un petit peu plus doux de manière générale. Je trouve que le monde manque quand même beaucoup de douceur et de nuances, et c'est pour ça que tes questions elles sont très choues sur l'imaginaire. C'est ça. J'allais dire, moi au moins je suis chou, donc j'en apporte un peu. T'es avec Peter Pan, voilà. À la cool. Ah, tu sais que Peter Pan à la base il est antisémite. Non mais. La version originale de Peter Pan, il tue les enfants, Peter Pan. Voilà. Ah allez, ouais. On arrête. C'est fini là, le podcast. Non, tout est gâché. En fait, on a tout gâché. En fait, il emmène les enfants dans le monde où ils grandissent pas, et ceux qui disent ah bah non, moi j'ai quand même envie de devenir c'est adulte. Pour ça, c'est pour ça que tu veux toujours savoir si c'est le pays imaginaire. Ça, parce que je veux pas y aller. Chers amis, on va faire un dernier tour de table pour les recommandations culturelles. C'est vrai que je vous ai pas prévenu en amont, mais s'il y a un truc que vous avez aimé culturellement, ça peut être un film, une série, du théâtre, de l'humour, et pas forcément un truc récent. C'est un truc que vous avez aimé récemment ou un truc que ou vous dans aimeriez dans la vie, quoi. Ouais, que vous avez envie de partager avec les auditeurs. Un seul. si tu as envie d'en dire deux, si tu as envie d'en dire trois, ça commence à être long, malheureusement. Non, non, non, désolé. Attends, il faut. Mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ta boutique là, ta boutique à Lyon là. Boutique secrète. Elle a fermé en plus. Mais non, mais ça a fermé. Jérémy, toi t'avais quelque chose? Moi c'est dur parce que je suis producteur des spectacles. Alors si je cite, eh, si t'as envie, alors, non mais si il y a la promo après. Soit je cite, soit je cite tous mes artistes, soit j'en cite aucun. Okay. Donc tout est bébé. Donc, mais t'en as énormément à citer en plus maintenant. Non, ils sont pas tous en tournée. Donc je peux citer, Le Capucine qui est en ce moment en tournée. Je peux citer évidemment Alexandre Kominek qui est à l'Européen en ce moment. Je peux citer Laura Lone. Alexandre, c'est incroyable. Très très fort. Il y a Laura Lone qui attaque sa tournée Zénith. On a Guillaume, un nouvel artiste que j'ai signé récemment, un Belge qu'on voit de plus en plus, qui est chez Combal, chez Grosstead, qui est en tournée là en ce moment. Est-ce que j'oublie des artistes qui sont en tournée en ce moment? Non. Je crois que j'oublie personne. Ouais. Bon, très bien. Guillaume, il fait quoi sur scène par exemple? C'est incroyable. Ouais. En fait, moi je le vois en très marrant, en réaction, en répartie, mais je saurais pas dire ce qu'il fait sur. En fait, on l'a découvert, c'est ma directrice de production à qui il avait envoyé un mail en disant venez me voir et tout, je vais jouer à la Cigale et tout ça. Donc je savais qu'il était sur Instagram et puis il faisait pas mal de vidéos marrantes et tout sur Instagram. Mais bon, moi je me méfie toujours parce qu'Instagram c'est pas le truc qui me convainc le plus et puis c'est pas forcément là où les gens sont toujours les meilleurs. Donc je trouvais que c'était rigolo, tu vois, mais c'est pas ça qui m'a convaincu. Ouais. Et puis je suis allé voir la Cigale, et il le sait, hein, donc c'est pour ça que je raconte sans aucun problème. j'ai vraiment failli, ce que je ne fais jamais, annuler une heure avant parce que j'étais mais vraiment éclaté par terre de fatigue. Ouais. Et je disais putain, je vais pas y aller dans un bon mood et tout. Et puis il m'a dit de prendre, on annule pas une heure avant, on y va. Donc j'y vais et j'y vais vraiment dans un mauvais mood. Donc je m'assois à la Cigale vraiment dans un très mauvais mood. T'envoies le texto à quelle heure finit la première partie pour être sûr d'arriver au dernier moment. Ça me rend dingue parce qu'il y a une première partie, il réallume la salle. Putain, les fils de pute, jamais sortir de cette salle. Et il arrive sur scène et donc je ne sais pas ce qu'il fait. Et il arrive sur scène et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris une claque de découverte. C'est-à-dire que c'est vraiment un mec de scène. Tu sais, t'as des gens, ils sont bons sur scène, mais tu dis, il y a des gens, ils ont du texte, mais ils ont pas forcément le rythme. T'as des gens, ils ont du charisme, ils ont le texte, mais ils ont pas forcément le sens de la scène. Ouais. Tu vois. Et là, t'as un mec, tu sais qu'il est, fait pour être sur scène. C'est-à-dire que ça se sent en fait. Il est extrêmement efficace. Et tu sais qu'il est extrêmement efficace parce que même sur des textes qui parfois sont plus faibles, les gens sont par terre. Parce qu'il est tellement rythmé, il est tellement bon que voilà. Donc du coup, je l'ai appelé le lendemain. Et il m'a dit non, mais moi je cherche pas forcément de producteur. Mais il me dit, mais j'avoue que comme je suis assez fan de ton travail et tout ça, si je dois signer avec quelqu'un, il faut que ce soit avec toi. Ouais. Donc du coup, on s'est vu. Et puis. vraiment le fauteuil de. Je veux être dans ton équipe. Ouais, mais c'est. Non, mais c'est mignon, c'était touchant. Bah, c'était bien touchant. Sûr. Et je lui ai dit, est-ce que tu as. Voilà, est-ce que tu veux qu'on rebosse un peu le spectacle et tout? Il m'a dit au contraire, génial. Donc et donc on s'est mis à retravailler le spectacle et donc là le nouveau spectacle, enfin le nouveau c'est le même, mais la V2 du spectacle va être bientôt prête. Mais bon, en attendant, il continue avec ce spectacle-là qui est déjà excellent, hein, que je conseille vraiment à tout le monde. Trop bien. Et voilà, donc là c'est le petit dernier arrivé chez Darksmind. Génial. Adrien. Oui, moi c'est une artiste dont je suis allé voir l'expo. Alors malheureusement, quand l'épisode va sortir, l'expo sera terminée. Aïe. C'était une expo qui était à la galerie Arts Factory à Paris. Et c'est une illustratrice qui fait de la BD aussi, qui s'appelle Melek Zertal. Et elle a un compte Insta aussi qu'on peut suivre, où elle poste ses illustrations. Et c'est dur de parler d'art graphique à l'oral, c'est juste très beau. J'ai même acheté un original pour la première fois de ma vie. Salaud. T'es un salaud, pardon. Je suis un salaud, mais j'ai été salaud à ce moment-là. J'étais en ambiance salaud. Je te le dis. Ambiance salaud qui est ton album. C'est ça qui aussi. Qui est ton album de hip-hop. Bien sûr. Non, et voilà, c'est hyper beau. C'est dessiné. La plupart du temps au crayon avec les couleurs qui sont faites si on rentre dans les détails techniques, au feutre à alcool et après retouché à l'ordinateur. Les couleurs, elles sont magnifiques, c'est vraiment trop beau. Les palettes de couleurs sont trop belles à chaque fois. Voilà, je vous De toute façon, on peut pas y aller, ça sert à rien de faire 30 minutes dessus. Mais est-ce qu'on peut voir ce que tu nous donnes envie un truc, on peut pas aller voir. Mais est-ce qu'on je peut voir je peux parler dans mon podcast ou deux secondes. Mais elle a une page Instagram, oui, chose. Je l'ai dit, tu n'écoutes pas, tu étais en train de réfléchir à qui t'allais caser que tu produis toi. Non, oui, elle a une page Insta, Melek Zertal, M-E M-E-L-E-K-Z-E-R-T-A-L. C'est un naufrage. Là, on joue à J'ai toujours beaucoup de mal à y plaire, je sais pas pourquoi. Ouais. Et voilà, et c'est très beau, je vous invite à aller suivre sur Insta. Et puis elle fera sans doute d'autres expos, elle a des bouquins, tout ça. C'est rare qu'on conseille des artistes, ça fait plaisir. Bérangère ? Ben moi, je réfléchissais et je me disais, il y a deux objets audiovisuels que j'ai beaucoup aimés ces derniers temps. Je sais pas si vous l'avez vu, Simple comme Sylvain de Marina Chocolat. Super film, ouais, très beau film. En amour de ce film, ouais. J'ai trouvé que c'était. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai découvert le travail de femmes en fait dans le cinéma et d'un coup, je vois une façon de faire. C'est pas pour dire c'est un film de femmes, c'est d'un coup c'est un film avec un point de vue et qui parle de sujets, tu vois, comme l'amour, le désir, etc., d'une manière qui m'a explosé à la tronche. J'ai vu trois trucs comme ça. Donc, Monia Chokri, Simple comme Sylvain. Little Girl Blue de Mona HH. Je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. Le, qui est pas un faux docu, c'est mais comme un documentaire. Un mélange. Enfin, c'est d'une créativité rare. Elle raconte l'histoire de sa mère. Qui a écrit beaucoup de livres et qui a vraiment un personnage qui est incarné par Marion Cotillard. Mais en fait, on est dans un peu dans la fabrication de quelqu'un comme dans une chambre. On dirait que voilà, on va faire ça, on va. Et en fait, c'est d'une créativité. Et ça, c'est un mélange de vraies images sur de vraies sa mère images et avec il y a des scènes jouées par ça. Marion Cotillard va faire à un moment un doublage sur la vraie voix de sa mère ou dire un texte que sa mère a écrit. Mais comment c'est tourné, ça m'a. D'un coup, tu te dis, mais c'est fou parce que en fait, finalement, le film est dans un appartement et on suit la vie comme ça et on dit en fait, elle arrive. La première scène, c'est un bureau et il y a Mona HH qui est là et Marion Cotillard rentre. On ne sait pas, tu vois. Moi, j'avais rien lu sur le et elle s'assoit et il y a un espèce de flash de Marion Cotillard avec un Oscar. Donc tu dis, ok, donc c'est Marion Cotillard qui joue Marion Cotillard. Elle lui donne les fringues de sa mère, les lunettes, le machin, le truc, et on dit Marion Cotillard va faire ma mère. Tu vois, c'est une manière de dire. Ok, d'accord. Et c'est voilà. Bon, j'avais jamais vu un tel. Mais tu me le vends bien parce que justement, moi, sur le papier, ça me faisait flipper ce truc-là. J'étais genre, oula, attends, donc elle prend une actrice pour jouer sa daronne. C'est pas compliqué, c'est comme un truc d'enfant. Et en fait, voilà. Non, mais du coup, c'est un truc d'enfant avec des photos. Ça paraît plus simple que ce que me semblait la promo. Ouais. Donc ça me donne envie. Mais c'est un objet, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Et la série Tout va bien sur Disney+ avec Virginie Fira, Camille de Castelnau scénario, et j'ai trouvé ça incroyable aussi de créativité, de force, de puissance, de à la fois de douceur et en même temps, enfin voilà, c'est puissant, c'est du féminin puissant pour moi, et je trouve que voilà, ça réinvente et ça se prend pas pour autre chose. Enfin, tu vois, il y a un côté où la puissance c'est le masculin, donc on va faire des choses comme les mecs, et là c'est d'un coup c'est des objets féminins, mais on va pas les, enfin je veux pas les catégoriser en tant que femme. Mais d'un coup, ça existe. La série, je savais même pas que c'était une nana qui était à au scénario. Ouais. Et j'ai trouvé incroyable. C'est une série sur le cancer d'une petite fille de 6 ans. Donc sur le papier, tu te dis waouh. Et en fait, j'ai rigolé. Ouais. Et aussi tu beaucoup de les enfants, ça. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai que ça. Et la petite, elle s'appelait Jennifer. Et la et la petite fille est jouée par Danny Boone. Donc c'est marrant. C'est quand même. Vraiment. Donc bon, c'est ça aussi. Ah l'enfer. Cette image. je vais partir. Et peut-être dans 2-3 jours, elle s'estompera. Mais en tout cas, voilà, ces trois. Ouais. Trucs qui m'ont vraiment et qui m'ont donné envie aussi de faire des choses. Non mais en plus je trouve que c'est des œuvres assez complètes. C'est-à-dire que tu pleures, tu rigoles. Enfin, j'adore moi les films où t'en sors, où tu dis. Ça me rappelle un film. Non mais je sais. Mais en tout cas, c'est des films que j'adore où tu t'es traversé par des choses. Ouais, je suis passé par plusieurs émotions. Simple comme Sylvain, pareil. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais adoré La femme de mon frère de Monia Chokri, donc je savais que j'allais plutôt être ma cam. Mais le film était pas du tout vendu comédie. Et il y a des moments très trop marrant quoi. C'est vraiment un film très drôle, mais c'est aussi un film très émouvant et très beau. La lumière, elle est, enfin l'image est incroyable. Donc non, je te rejoins sur Ce qui traverse avec l'image, c'est magnifique, c'est quoi. Sublime. C'est la fin de ce podcast. On va faire un dernier tour de table pour la l'instant promo, j'ai envie de dire, parce que vous avez plein de choses à faire. L'humeur du jour. Allez, on se quitte tous sur un mot. Gueule. On aurait pu faire pire, parce que quand on a des émotions sur la table, c'est genre. Et alors vous, Bérangère, l'amour. vous êtes. Alors il y a votre mariage qui s'est annulé. Vous pouvez nous raconter ça peut-être. Le pire vraiment. Et ça, si les journalistes nous écoutent, arrêtez de faire ça. C'est quand vous dites. Alors. Racontez-nous. Non. Est-ce que si pour les gens qui nous lisent ou pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez pour donner envie de venir voir vraiment. Et puis on répond. Bah oui, parce que je gère. Bah, je leur dirais que. C'est horrible. Qu'ils aient sur internet. Et puis, bah, ça voilà, vous a. Puis t'imagines la gueule de la personne de l'autre côté qui écoute pas convaincue et qui attend de voir s'il va y avoir un argument qui va vraiment lui faire acheter un billet. Pour le moment, ça marche pas. Hein. Pour le moment, c'est toujours mieux que votre vie, mon spectacle. Donc Bérangère, c'est vrai que ton dernier spectacle, enfin ton dernier spectacle capté vient d'arriver sur Prime Vidéo. Oui, Amour, voilà, sur Amour. Prime Vidéo, je suis très contente. Ça c'est super parce que Flo c'est complètement la cible, hein, ce podcast. C'est parfait. C'est ce qu'on a, ça c'est attaché de presse. Non mais c'est la cible. Hein, c'est là, la cible. Là, alors là c'est strike. Hein, parce que c'est totalement crois, la cible de Flaubert. Là c'est les gens qui écoutent Flo, c'est complètement Prime Vidéo. Du rire, de l'amour, c'est tout ce qui, voilà, c'est tout le public. Mais je suis assez contente. C'est pas pour me jeter des fleurs. Je reçois beaucoup de messages et je suis très touchée. Parce que en fait les gens m'écrivent un petit peu ce qu'on aime bien dans les films. Ouais. Ils cliquent sur un truc d'humour et d'un coup ils pleurent un peu devant leur écran. Donc du coup je me regorge pas que les gens pleurent chez eux, mais je me dis c'est cool que ça passe aussi en vidéo. Non, voilà, moi ça, j'ai beaucoup aimé. Et en plus ce que j'aime beaucoup dans ton spectacle c'est qu'il y a plein de des fois tu casses le rythme d'un coup il y a un perso, c'est un spectacle avec plein de choses quoi. Ça je trouve ça vraiment cool. Riche, ouais, il y a des costumes, il y a de la danse, bon je vais pas tout spoiler mais il y a plein de choses chouettes. Ah, le personnage d'Hitler là à la fin. Mais elle fait bien l'accent. Elle tient bien. Le rappel en Hitler, ça, on s'y attend pas. Ça me touche beaucoup. Non mais la nuance comme on disait tout à l'heure, c'est bien de montrer que lui aussi on peut l'aimer. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'elle dit dans le spectacle, mais ne spoilons pas tout. Et tu as ton nouveau spectacle Bérangère que tu as commencé un petit peu à roder, que tu joues un petit peu en ce moment. Là, je l'ai joué 6 fois. T'es contente? Je suis très contente. Alors, je pars complètement dans une autre direction parce que après. La haine. Maintenant, après, la haine. La haine. Il n'y a pas Hitler du tout. Non. Je suis très contente. Non, c'est une nouvelle. Nouvelle forme, je dirais que c'est un peu la j'essaye de mettre les mêmes ingrédients qu'Amour dans le côté partage, tu vois, ouais. de partager son histoire. Et en même temps, j'ai un peu gommé tous les artifices qu'on aimait bien pour voir ce qui se passe si c'est que toi, dans le texte, voilà. Donc voilà, c'est mon exercice dans ce moment. Tu commences à le jouer au Théâtre de l'Œuvre le 9 octobre 2024, mais bon, on a le temps de voir venir, mais bon, n'hésitez pas, la billetterie est ouverte, et puis j'imagine que tu dois tester un petit peu en ce moment. Là, oui, je vais en Bretagne la semaine prochaine, super. Marseille, Bruxelles. Mais c'est vrai que t'es au début, là, encore. Là, en c'est ce bah moment. Oui, voilà, c'est tout frais. C'est tout frais, donc n'hésitez pas à suivre ça, oui, c'est toujours super Instagram, intéressant, en plus de suivre la construction d'un spectacle. Jérémy, donc toi, il y a les ultimes représentations de ton spectacle. La tournée des dates à Paris sont pleines, mais il y a le cinéma. Ils peuvent aller au cinéma. On peut aller te voir au cinéma. Voilà, au Cinoche. Le 10 mars 2024, la dernière donc est retransmise dans. Il y a énormément de salles, j'ai vu. C'est en direct. C'est-à-dire que tu joues et c'est retransmis en même temps dans les cinémas. Ouais. Il y a la ça, dernière le dimanche 10 mars à 17h. En plus, au début, on avait 150 cinémas, puis avec les ventes, il y en a eu 200, puis 300. Donc là, on est à plus de 300 salles. Wow. Donc les gens, ils vont sur jérémyferrariaucinéma.com et ils trouvent la salle ça, proche de fort, chez hein, eux. Jérémy. Et ils peuvent assister en direct depuis leur cinéma, de l'Accor Arena à Bercy. Ils voient le spectacle en direct. C'est génial. C'est un truc qui. Putain, mais c'est. Attends, mais pardon. je savais pas, je trouve ça tellement. Non, mais t'imagines, tu commences à faire de la scène, il y a tellement pas assez de place pour que les gens te voient qu'on ouvre un cinéma. Honnêtement, c'est j'ai eu peur. Fou. Parce qu'il l'avait fait déjà avec Blanche et Florence. Ouais. Et ça avait marché très très fort. Et enfin, de la place pour les hommes, merci. je leur ai dit, est-ce que c'est pas un peu bizarre qu'il n'y ait jamais d'hommes qui font ce genre de choses? Ouais. Non, mais Flo, elle m'avait foutu une angoisse parce qu'elle m'avait dit oui, mais fais gaffe, hein, parce que nous, c'était des spectacles qu'on n'avait pas tourné. Hein. Tu vois, parce elle l'avait fait avec Foresti Party. Donc oui, bien sûr. Joué tu veux dire, les gens connaissaient pas. Non, c'est surtout qu'ils n'avaient pas fait encore de tournée avec. Ils n'avaient pas fait de tournée avec le spectacle. C'est sûr que ça allait remplir. Ah oui, pardon, d'accord. Du coup, j'étais un peu stress. Et puis, parce que je me suis dit, putain, on a fait quand même beaucoup de monde en billetterie et tout ça. Ouais. Et puis, écoute, finalement, les pointages sont. Là, je crois qu'on approchait des 50 000 déjà. Donc, ça va être incroyable parce que tu montes sur scène à Bercy. Et tu sais que t'as. Mais oui. Je sais pas combien on va finir. C'est trop beau. Tu sais que tu vas avoir peut-être 50, 60, 70 000 personnes trop qui bien. Sont en direct. Enfin, c'est génial. C'est bravo, hein. Trop bien. Ouais, bravo. Trop c'est bien. Pas mon idée, hein. C'est pour le coup, je. C'est vraiment Pathé qui est venu me voir. C'est pas que dans les cinémas Pathé. Il n'y a pas que toi qui a des bonnes idées, tu veux dire. Si c'est pas ton idée, je retire mes félicitations. C'est pas du tout mon idée. Je pensais que c'était ton idée, je retire mon nul. C'est vraiment l'idée qui me plaisait. C'est nul. Et la tournée. Bravo à la personne de Pathé, du coup. La tournée du trio, pareil, qui remplit très bien avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplain. J'ai hâte de voir. Voilà, vous allez à partir de janvier 2025. C'est ça. Ils vont sur tourneedutrio.com. C'est le site. Des vacances, Jérémy, un peu à un moment ou comment ça se passe hein, il y a pas eu du prochain spectacle. Faudra prendre soin un peu de soi-même. Hein. Non, il y en a pas eu cette année, j'avoue. Il y en aura en août, mais non, cette année, j'ai pas pu en prendre. Mmh. Ouais. C'est une année vraiment. Mais après, quand ça marche et tout. C'est tellement dur de refuser les trucs quand on te propose des trucs qui sont pas très bien, bah tu dis oui je préfère aller en vacances, mais quand on te propose que des trucs super dis on va peut-être pas me proposer ça toute ma vie non plus, tu vois, donc là je prends ce qu'il y a à prendre quoi. Trop bien. C'est bien. Adrien. Oui, comme d'habitude. Et puis bah oui, surtout la tournée. Dis-le en fait parce que c'est plus simple. Non, mais c'est vrai que bon voilà, il y a le 10 avril, on sort Nous les le roi que j'ai écrit et réalisé, dans lequel Adrien. Ça arrive de plus en plus. Et c'est vrai que alors. Je parlais de la tournée des avant-premières avec ouais, le ouais. podcast. Hein. C'est là où j'allais aller. Ah, vous faites la tournée. En fait, on va faire des floodcasts sur certaines dates, mais bon, elles sont déjà complètes. On a la chance. C'est vrai, oui. Mais on rajoute des séances, mais je crois qu'à l'heure où on parle, elles sont déjà complètes aussi sur les villes où on passe avec Adrien. Mais là, l'heure où vous écoutez cette émission, on a rajouté des villes. Voilà. Donc, Adrien, toi, tu vas venir sur certaines villes. Vous avez créé des villes imaginaires. Des villes imaginaires. Exactement. Bah, t'avais bien qu'il tu vois bien qu'il adore ça. On va à Gattaca. Poudlard, le 8. Venez, parce qu'on remplit pas trop sur Poudlard. Non, mais ouais, il y a des dates. Alors, Adrien sera pas forcément là. Hein. Il y a aussi, parfois, on va faire quelques dates avec Sébastien Chassagne. J'y vais aussi avec José Garcia. On va faire dans les nouvelles dates. Là, il y a Angers, Tours, Alès, Montpellier, avec Marseille. Ça, pour le coup, tu seras là. Strasbourg, et Montpellier. Toi, tu vas dans le Montpellier, sud. Tu viens aussi. C'est un gars du sud, toi, tu vas voir le soleil. Je vais à Lille aussi. On va à Rouen, Caen, Le Havre. Enfin voilà, on fait plein d'avant-premières. Donc je vais ça, c'est Dijon, trop bien. tout ce qui traîne, j'y vais. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'est trop cool. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.